Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. Donc salut les gars et bienvenue dans le premier épisode de la playlist. Oui, le pilote est passé, je suis tombé d'accord avec moi-même sur une formule. Elle sera très simple. 10 titres, les meilleurs des meilleurs, ceux qui composent la playlist idéale de mon invité, avec en plus, et c'est le petit bonus de la maison, le titre de la honte. Le titre tout pourri mais qu'il est bien quand même. Et pour finir, un titre sélectionné dans une liste de musique libre de droit, parce que la bonne musique, ça se partage aussi librement. Et je pense que mon invité du jour sera d'accord. Tous les détails seront indiqués dans le résumé de l'épisode, et vous trouverez évidemment un lien vers le titre libre de droit. Il y a même en plus une playlist sur Spotify, tant qu'à faire. Mais attention, vous ne pourrez passer qu'une seule et unique fois dans la playlist, pas le droit à l'erreur. Nous sommes le 18... Ouais, on est bien le 18 octobre, et c'est parti pour la playlist de Kenton. Un homme de multiples talents à la frontière de l'Allemagne et de la schizophrénie. Donc, comment ça va, Kenton ? Bah écoute, ça va. Après cette intro-là, ouais, ça va. Non, j'ai fait mieux que la dernière fois. Puis déjà, on n'est pas schizophrène, s'il te plaît. Oh, si, un petit peu quand même. Enfin, je sais non, pas. Non, mais je parlais de moi, en fait. Mais... C'est pour ça, en fait. Moi, on n'est pas schizophrène. Oui, je me doute bien, mais je sais pas lequel d'entre vous, donc... Dans le doute. Et merci à toi, puisque tu m'as aidé à composer le tout nouveau générique de la playlist, qu'il est bien. Ah bah écoute, je t'en prie. Ben, c'est la classe et je te remercie. Mais bon, trêve de flatterie, on va attaquer ta sélection. Est-ce que tu es prêt ? Oui. On va commencer avec les États-Unis d'Amérique. Fuck yeah ! Et surtout du, je cite Wikipédia, je le fais souvent, du néo-metal industriel de 2007 avec Downstream de American Edge. Alors ça commence un peu de doucement, mais un petit peu de fuckier quand même. Alors pourquoi American Edge Charge et surtout du... Pourquoi ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment dire pourquoi on aime un groupe ? Je pense pas. Tu peux essayer. Celle-là de ce groupe, je peux te dire pourquoi. Ça, c'est pas un problème. Je trouve qu'elle est magnifique, tant sur le plan musical que de ses paroles. Parce qu'elle exprime la vie d'un homme qui est l'exact résultante de ce que voudraient les autres. Tout ça, bien sûr, faisant suite à une profonde déconcentration de sa vie. Oui. Par l'action de quelqu'un d'autre, ou par l'ignorance d'autres personnes, tu vois, c'est ça qui est assez marrant. Et c'est ce qui me plaît, d'ailleurs, dans cette chanson, c'est l'alternance aussi du calme et du puissant qui donne la profondeur au morceau. Et d'ailleurs, une très jolie ligne de chant qui gère tout ça, quoi. Parce que ça commence très gentil. Oui, c'est ça, c'est très gentil, mais bien sûr, au bout d'un moment, ça va péter, ça va faire plein de bruit. Mais ça reste mélodieux, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, est-ce que c'est vraiment du néo-métal si ça brûle, si ça hurle pas ? Alors, les styles exacts, les sous-styles de métal, moi je peux pas beaucoup te renseigner parce que je suis quelqu'un qui, comme tu le dis d'ailleurs dans je sais plus, je sais plus quel moment. Ça gueule. De quoi ? Ça commence à y aller un peu plus fort, mais c'est pas encore du Ouais, ça commence un peu à bouger. C'est juste que moi je pourrais pas dire le style exact. D'ailleurs, tu me le dis via Wikipédia et ça me va très bien. Parce que je suis comme toi, en fait. Comme tu le dis, je sais plus à quel moment tu le dis, j'ai pas de connaissances spécifiques en musique. Je vais aimer ce que j'entends plus que par son style et je vais pas forcément me renseigner sur le groupe que j'aime ou autre chose, sauf celui-ci bien sûr. Si tu veux, je peux t'en dire un peu sur le groupe. Ah mais je t'en prie. Et je pense que quelque chose me dit qu'on va avoir un peu plus de temps pour en parler après. Ah bah c'est comme tu veux. Mais vas-y. Alors moi j'ai connu ce groupe il y a très longtemps, j'étais adolescent. Alors même si j'ai bien aimé le groupe à l'époque, c'était pas vraiment le groupe que j'écoutais beaucoup, tu vois, mais au fil des années, j'ai vraiment pris à leur sonorité, à leur brutalité douce, parce que il faut le dire, hein, vous avez entendu d'ailleurs au début du titre, c'est doux, mais c'est brutal après, et ça reste mélodieux. Alors tout ça jusqu'au jour où le guitariste est décédé d'overdose, overdose de médicaments, hein, soi-disant une erreur de prescription, ou encore une manière propre de dire qu'il s'est tellement défoncé qu'il en est mort. Hein. Alors il s'est trompé d'aspirine, il l'est prise par le nez au lieu de le prendre par en effervescent, quoi. Voilà, c'est ça, en version poudre. Bref, en tout cas, c'est un groupe vraiment génial qui, après un album qui s'appelle d'ailleurs traduit en français, « Vous ne pouvez pas arrêter la machine », hein, ce que je trouve assez marrant, c'est arrêté justement dû à l'absence de ce guitariste qui avait quand même beaucoup apporté. Bon, quand j'ai appris qu'il était décédé, sur le coup, j'ai cru qu'il y avait un immeuble qui m'était tombé sur la gueule tellement j'aimais ce groupe. Mais bon, voilà, ils ont repris entre temps, je te rassure. Ah, ouf, oui, ils ont sorti un album il y a pas longtemps. C'est ça, ouais. Mais je crois que. Shoot quelque chose, je sais plus exactement le titre, j'ai honte. Je ne retiens pas les titres de chansons. Hein. C'est pas grave, il y a un truc magnifique qui s'appelle Internet, et on va pouvoir... C'est ça qui est vachement bien. Constop de... Bah non, 2007, c'est Constop de Machine. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Si, il y en a un tout récent, je crois que c'est Shoot, je sais pas comment le prononce. Ouais, Wikipédia là-bas, c'est bizarre, ça. Ouais, parce que Wikipédia en français sur American Charge, il y a très très peu de choses. Il suffit d'aller sur leur site, en espérant qu'il n'y a pas un son qui se lance à fond. Le nom de l'album, je le trouve même pas sur le site, c'est génial. La playlist, c'est préparé, hein, c'est ça, mais bon, là je me sens mieux depuis que la musique n'est plus à fond dans mes oreilles, j'aurais mieux à parler. C'est Shoot, effectivement, Shot, S-H-2-O-T, je sais pas, j'ai pas un accent anglais très développé, donc à vous deux d'interpréter comme vous le voulez. D'ailleurs, je voulais à la base te mettre un titre de cet album, mais comme il faut faire un choix entre 10 titres, c'est affreux. Du coup, j'en ai mis que 3. Voilà, déjà de trop du coup. Il faudra vivre avec, on les entendra par la suite, j'ai pas tout mis à la suite, ne vous inquiétez pas, ce sera un peu plus calme entre temps. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est ce que j'ai raconté, c'est un peu décousu, parce qu'à la base j'avais préparé dans l'ordre, moi, ce que je devais raconter. Pour ceux qui m'ont déjà écouté quelque part, et savent que j'écris. Et oui, vous découvrez concept, c'est la playlist Shuffle. C'est ça. Vous ne comprenez rien, et moi non plus, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est une playlist Shuffle, t'as toujours ton crayon sur toi et tu tournes au hasard. Oui, c'est compliqué, voilà. C'est très les vrais savent. Les vrais savent et les vrais, voilà, connaissent le générique. C'est ça. Alors on va changer un petit peu, on va surtout calmer un peu le jeu, puisque nous allons faire un petit tour en France en 2004 pour du post-rock, toujours Wikipédia, merci Wikipédia, tout gentil avec A Moment Nowhere de Sian & Ben. Pourquoi Sian & Ben ? Alors pourquoi je vais te dire la même chose qu'avant, je sais pas. Tu sais pas pourquoi un groupe te plaît, tu sais pas pourquoi une musique te rentre dans le cœur, quoi. Tu peux pas le dire. Ou alors si quelqu'un peut le dire, qu'il m'explique. Parce que c'est vraiment une alchimie avec un groupe, avec une musique que tu peux pas. Enfin, tu peux pas mettre de mots dessus. Bon, en tout cas, j'ai découvert ce groupe par hasard en 2005. À la première édition du Cabaret Vert, donc c'est un festival de musique fin août, début septembre, où je vais chaque année, je suis bénévole là-bas. Et c'est un groupe qu'on devait donc installer sur scène et tout. Et du coup, ils ont commencé à jouer et ça faisait suite à un groupe, bah, à la limite de type American Head Charge, c'est-à-dire de gros métal qui gueule. Et là, j'ai entendu cette musique, ça m'a transporté. Ça m'a transporté par le calme, par l'atmosphère qui s'en dégageait, tu vois. C'était magique, je sais pas comment dire. Alors apparemment, selon les gens qui écoutent, c'est mieux de les écouter sous substance. Bon, comme c'est pas mon truc, moi je peux pas trop vous dire. Et par exemple, bah, j'écoute ça beaucoup le matin au boulot, quand j'ai du mal à émerger, ou alors quand il y a des gens qui me stressent de trop. Tu as un petit coup de Sian & Ben et paf, c'est parti, ça va mieux, quoi. Bon, alors malheureusement, le groupe n'existe plus depuis le départ de la chanteuse, donc Sian. Mais le reste du groupe a continué avec un autre groupe qui s'appelle Yeti Lane, Y-E-T-I, espace L-A-N-E, pour ceux qui veulent suivre un petit peu tout ça. Et c'est un groupe qui est très proche au niveau musical, c'est à peu près le même style. Donc. Mais c'est marrant, c'est un peu la mode des groupes pop françaises qui chantent en anglais. J'ai l'impression de retrouver un peu le style de Moriarty. Alors, je ne connais pas Moriarty, mais tu me dis que c'est la mode. Là, je te parle d'un groupe de 2005 quand même, donc ça fait 10 ans. Hein. Oui, mais j'ai une autre vision de la mode un peu plus étalée dans le temps. D'accord. Même cette voix, c'est une chanteuse française avec une voix, et puis il y a un autre mec derrière qui fait les accompagnants en compagnie, et tout ça dans une ambiance très douce et très tranquille. Ça me fait vraiment penser à du Moriarty. D'accord. Mais c'est marrant, c'était juste comme ça. Mais c'est vrai que c'est tout tranquille, c'est tout sympa. Oui, alors c'est un des titres, bien sûr, de Sian et Ben. Ils ont 3, voire 4 albums avec un EP. Et. Pourquoi chaque... A Moment Nowhere, justement? Parce que c'est celle qui me transporte le plus. C'est-à-dire que. Comme je disais juste avant que tu mettes l'enregistrement en route, moi je suis très sensible à la musique. C'est-à-dire que je pourrais en une seconde insulter quelqu'un parce qu'il m'a embêté sévèrement. Et 2 secondes après, me mettre à chialer sur une musique parce qu'elle me prend aux tripes. Et Sian et Ben. Surtout celle-là m'a souvent pris aux tripes, et puis elle est tellement relaxante, elle te met tellement dans un moment de bien-être. Quoi qu'il se passe, quoi qui t'énerve, tu te mets ça dans les oreilles et je sais pas, ça sonne bien. Alors je pourrais envier ceux sous substance qui disent que ça fait encore plus d'effet, mais bon, moi je trouve mon compte sans substance, donc je vais pas tester l'impossible, mais je sais pas comment expliquer, c'est... Je vous invite à écouter ce que vous pouvez sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, de ce groupe-là. Vous allez voir que ça vous transporte, ça vous met quelque part d'indéfinissable. Mais pas ici, en tout cas, ça vous met bien. Je sais pas comment... C'est difficile de mettre des mots sur la musique, je sais pas ce que tu en penses, mais... Tu dis que ça te met bien, mais je trouve quand même le morceau assez mélancolique. Dans le rythme, dans les accords, il est très... Ouais, mais enfin, ça te met bien, je veux dire, c'est, pas dans le sens ça va te mettre joyeux, hein. Je n'ai pas dit ça comme ça, mais ça va te calmer, tu vois, enfin, je trouve que ça évacue le stress. Je trouve que Sian et Ben, ça t'évacue le stress. Ça ferait une bonne pub, ça. Sian et Ben, ça évacue le stress. Ouais, ce serait une bonne pub pour eux, effectivement, même s'ils n'existent plus, mais il y en a d'autres, hein. Il y a une autre, alors comme je vous ai dit, je connais pas les titres des groupes que j'aime, c'est triste, hein, c'est affligeant, mais c'est comme ça, j'écoute plus que je lis les titres. Il y en a une autre où Sian est toute seule au piano, enfin, je crois qu'il y a un accompagnement derrière, mais c'est très léger, c'est surtout mis en avant pour Sian au piano, et ce qui est génial, c'est qu'elle ne chante pas tout à fait juste, elle n'a pas une voix de chanteuse Elle est une bonne chanteuse, mais comment, c'est difficile à dire. Elle ne chante pas parfaitement juste, elle est pas parfaitement bien dans les temps. Elle est un petit peu à côté, machin. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, elle flotte un peu sur les notes, comme ça. Et ça donne cette image d'une femme qui joue au piano. Je sais pas, c'est relaxant, je sais pas, c'est difficile de décrire. Tu me poses un bon piège, là, quand même. C'est difficile de mettre des mots sur une chanson qui te plaît autant. C'est le problème des chansons qui se passent sur les petits nuages, comme ça, dans une petite ambiance un peu cotonneuse, avec des grandes nappes et des ambiances. On sait pas comment la décrire. En plus, après, pour les fans, d'ailleurs, les sondiers seraient heureux d'entendre Sian et Ben en live, ou de voir plutôt Sian et Ben en live. Parce qu'il débarque avec une flopée de synthés de l'époque qui sont assez hallucinants. Si mes souvenirs sont bons, ils avaient 3 ou 4 synthés sur place. Pas des petits synthés genre des Nord Stage, enfin les trucs classiques qu'on a l'habitude de voir. Non, des tout vieux synthés. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'un des... Je crois que c'était le guitariste, avait à côté de lui un synthé dont il jouait sur un ou deux morceaux, où il câblait des choses dessus, quoi, pour te dire... que c'est du vieux synthé. Il tirait du câblage entre deux modules. On va pas parler technique, mais c'était assez roots, et c'était assez impressionnant, quoi, de voir ça. Évidemment, comme toi, t'es un peu dans la technique, tout de suite, ça t'émoustille, quoi. Quelqu'un qui tire des câbles entre les synthétiseurs, c'est mort. Je sais pas si c'est question d'émoustiller au niveau technique, mais c'est se dire qu'on est dans une génération où la plupart des artistes inintéressants, et j'assume ce que je dis, comme il s'appelle l'autre là qui fait des milliards et qui est sourd et qui fait de la merde et qui le sait là. Alors, David Guetta, voilà, merci. Et qui va appuyer 3 notes sur Massive et enfin on le sait tous, ou même Skrillex qui va mettre 4 notes sur un plugin machin. Là, on voyait des mecs qui se donnaient du mal à travailler avec du vieux matos. Et je suis désolé, vous l'entendez par vous-même, ça sonne super bien. On peut rien dire sur la technique, ça sonne super bien. Et... enfin, voilà. Un peu psychédélique. Ça se revendique un peu psychédélique quand même, Sian Eben, et toutes leurs musiques sont comme ça, et c'est juste un plaisir à écouter. On va passer encore à un autre morceau. Alors, regroupez vos chakras. Respirez votre énergie. Imaginez que vous êtes debout, que vous êtes en train d'aspirer le feu extérieur. On va retourner aux États-Unis. Fuck yeah! Avec encore American Head Charge cette fois-ci. Yeah! Mais on va changer de morceau parce que bon, on va pas à chaque fois mettre le même. Et avec retour, donc American Head Charge avec Just So You Know de 2007. C'est un peu plus énervé quand même là. C'est ça. Là, ça bouge un peu là. Ça remue, ça change de. Ça change de Sian Eben. Je vous offre le morceau qui va vous faire pousser les cheveux. Et il faut voir le clip. Hein. Peut-être pas pour Gauthier non plus, mais. Ça se passe dans une morgue, donc il faut voir le clip. Les bonnes ambiances. Alors pourquoi encore ce groupe? Pourquoi? Comment ça se fait que tu aies trois morceaux de ce groupe dans ta playlist idéale? Alors je sais pas ce que m'a fait ce groupe, mais je sais pas. C'est difficile à mettre des mots parce qu'au début, je te dis, j'écoutais à peine la première fois que j'ai écouté American Head Charge. Bon, c'était bien, c'était violent et limite, c'était trop violent pour moi. Je comprenais pas en fait American Head Charge. Et au fur et à mesure, je sais pas, je suis tombé amoureux de ce groupe parce que dans chaque musique différente, on arrivait à être presque dégoûté par la violence du truc. Et dans d'autres parties de cette musique, ils arrivaient à retourner le truc et à mettre quelque chose de mélodieux. Et ça, c'est le bon exemple. Just So You Know, c'est vraiment un super bon exemple parce que il a commencé par hurler et à être super violent. Et là, on vient. Bon, là, le refrain vient de se finir à l'instant, mais on vient d'entendre que c'était très doux, très mélodieux. Ça, c'est un peu comme une vague comme ça. Et en plus, c'est marrant, ça fait partie des paroles. Il parle de vagues et de tout ça, mais ça flotte comme ça. C'est des nappes de chant qui flottent sur quelque chose de très violent derrière. Et je pense qu'au niveau de l'inspiration musicale, moi, ce groupe-là serait en premier lieu. Mais si tu veux, je peux te parler du groupe plutôt que des paroles, parce que... Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Ça fait 2-3 fois que tu me cites à chaque fois les paroles. Donc les paroles sont vraiment importantes pour toi. Oui, mais justement, je veux pas... c'est ce que je viens de te dire, je veux plutôt te parler du groupe que les paroles, parce que les paroles, en fait, ce serait difficile d'expliquer pourquoi je les aime, parce que c'est vraiment trop trop personnel pour en parler ici. Alors je vais faire plutôt un retour vite fait sur le groupe. Vas-y. Donc American Head Charge, c'est un groupe de néo-metal ou metal industriel. Alors ça, comme je t'ai dit avant, hein, ça me parle pas parce que je n'ai rien à faire du sous-genre quoi. C'est de la guitare qui sature, des gens qui gueulent, mais qui peuvent aussi bien chanter. Et ça me va. Donc c'est un groupe qui a été formé en 1997. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que le nom du groupe ne veut strictement rien dire. Vous avez beau essayer de chercher un sens, il y en a pas. Et c'est même Chad Hanks, donc c'est le guitariste, qui le dit. Je suis fan de noms de trois mots, cela signifie rien du tout. Et ça, c'est très drôle, tu vois. Et c'est justement avec la sortie de l'album War of R, donc celui qu'on est en train d'écouter, que le groupe s'est fait connaître justement avec ce son qui est puissant, proche du hardcore metal, mais qui reste aussi mélodieux. Justement, bah, c'est pour ça que je t'ai proposé cette chanson-là qui fait partie des chansons que je préfère. Qui allie un peu les deux, un peu le bourrin et le tranquille, un peu le... Bah c'est ça, regarde, là si vous tendez l'oreille, c'est très très calme, c'est très très doux, et d'un coup ça va péter, je sais pas, ça traduit un peu mon caractère, tu vois, je peux être très doux, très gentil, mais des fois je peux exploser d'un coup. Aïe. Voilà, comme là. Et bah d'ailleurs ça veut tout dire quoi, burn silence, quoi, brûler le silence, quoi, enfin c'est... Voilà, comment... C'est pas quoi rajouter en fait. Ben voilà, c'est ça, ça veut tout dire quoi. Brûle le silence, fais quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est. À chacun à interpréter sa façon de voir le truc, mais voilà, c'est difficile d'expliquer. Mais toi, est-ce que c'est un peu ton style d'aller en concert métal, machin, truc, de pogoter, de tourner la tête partout ou... Alors, plutôt, écoute, tiens, oui je prends chez toi. Oui et non, c'est-à-dire que j'aimerais bien, mais pour des raisons, on va dire physiques, je pourrais pas aller à un concert comme ça. Je suis pas très grand et je me ferais vite défoncer dans une salle comme ça, et limite, de toute façon, je verrais rien. Donc, à moins d'être tout devant, je verrais que dalle, donc aucun intérêt. Mais du coup, à contrepartie, j'ai une bonne install sono chez moi, et ça m'arrive de mettre ça à fond, de prendre la guitare, de mettre de la disto dessus et de jouer avec, et d'être dans un état second, sans substance, je précise. Mais d'être à fond dans le morceau, de chanter à tue-tête, faux, complètement faux, bien sûr, et puis d'être à fond dedans, quoi. C'est... Et puis après, ça va me passer, et puis je vais dire, oh putain, je l'ai ridicule, et je vais reposer la guitare, et puis allez, il est temps d'aller faire une lessive. Hein, ça va pas se laver tout seul. Et pendant que sa machine tourne. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est... Non, mais je sais pas, ça exprime beaucoup de choses, American Head Charge. C'est très calme, c'est très violent à la fois. Ça peut être mélodieux dans un moment très violent. Il y a une alliance de tout ça. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver ça sur Wikipédia, donc j'ai peur de dire une connerie. Et si jamais il y a des fans d'American Head Charge, corrigez-moi si je me trompe. À l'époque, il me semble avoir lu, en plus, qu'American Head Charge, les membres initiaux du groupe, étaient en prison. Et que c'est un hasard un petit peu la création de ce groupe, parce qu'ils devaient présenter un projet concret pour permettre leur sortie de prison, tu vois. Et donc ils avaient créé un groupe avec 2-3 membres de cette prison et ça avait donné ça. Mais je n'ai pas réussi à retrouver l'info, donc il se peut que je me trompe de groupe. Et dans ce cas-là, frappez-moi, jetez-moi des albums métal sur la gueule. C'est quand même pas mal ça, l'idée d'un projet pour sortir avec des mecs en métal qui gueulent, j'aime beaucoup. Le principe, si c'est vrai, c'est génial ça. Bah, soit c'est eux, soit c'est un autre groupe. Mais je sais que je l'ai lu sur un groupe et j'avais souvenir que c'était American Head Charge, mais j'arrive pas à retrouver cette source. Pas moyen. Et pourtant, j'ai écumé le net pour préparer à bien cette émission, mais non. Pas moyen. Contrairement à moi qui ai fait des copier-coller dans Wikipédia. Bah, c'est bravo. C'est à ça que ça sert d'avoir des invités. Alors, on va continuer un peu avec les USA et on va avancer un cran dans le style. Avec un encore titre. Oui, on va continuer. Avec un titre de 2001, Left Behind de Slipknot. Ah oui. Et j'espère que je le prononce bien. Ouais, c'est ça, Left Behind. Ah là, ça hurle un peu plus quand même. Ah non, quand pas je parle forcément. D'énervé, ça commençait bien. Ouais, mais après, si tu vois, ça chante. C'est... Bon, en plus, c'est Corey Taylor, le chanteur, qui a une voix qui est plus que magnifique. On l'a pu l'entendre. Juste là, d'ailleurs. On n'a pas envie de l'avoir en voisin, on sait jamais. Mais... Ouais, tu veux que je t'en parle un peu de Slipknot ou pas? Pas du tout, j'aimerais bien que tu me parles des champignons. Est-ce que tu connais Écoute, bien ça tombe bien. Est-ce que bien. Vous voulez une recette pour le bolet? Formidable, vas-y, je t'en prie. Alors, il suffit de faire un row sur une musique de Ravel, ça vous fera un boléro de Ravel. Oh là, c'est là. J'ai pas de jingle. Oh putain. Moi, je vais y aller, hein. Salut, c'est tout pour ouais, moi. Ouais, salut, c'était bien, ouais. On va refaire un épisode 1 avec quelqu'un d'autre. Oh putain, alors celle-là. Non, alors Slipknot, je sais pas s'il existe une seule personne ayant écouté un peu de rock dans sa vie qui ne connaît pas au moins le nom de ce groupe, tant il a fait de bruit quand le premier album est sorti. Je pense que même toi, tu dois connaître le nom quand même. De nom, et puis il y a un pote qui m'avait montré des mecs avec des costumes bizarres et des masques chelous. Ouais, c'est ça, parce que déjà le nom du groupe, ça évoque déjà la violence, puisque... En français, Slipknot, ça veut dire nœud coulant. Nœud coulant, bien sûr, qui est réputé pour être le nœud que les pendus mettent en place pour se suicider. Donc, tu vois, plein de joie, plein de bonne humeur, tout. On va fêter un anniversaire, ça va être sympa. Tu cuis les petits oiseaux en métal. Voilà. Donc, d'ailleurs, ils sont même connus, parce que, même si ce ne sont pas les premiers, parce qu'ils portent des masques tout le temps et aussi des habits de prisonniers pour justement rester anonymes. Rester anonymes en tant que personne. Et je trouve ça vachement bien parce qu'ils étaient... un petit peu révolté sur la starification des métalleux, et il voulait avoir une équilibre pour chaque membre du groupe. Donc du coup, tout le monde était masqué, personne ne savait qui c'était. Puis bon, après t'as les Daft Punk qui sont venus un peu casser le concept, mais je trouve qu'à l'époque c'était marrant, quoi. Ça les gêne pas pour... j'allais dire chanter, mais j'allais dire hurler aussi, mais chanter quand même. Ah, c'est marrant, faut regarder un clip, parce que t'en as un qui a un nez super long à la Pinocchio qui a menti, et quand il... Forcément, quand il joue de ses... C'est un percussionniste, quand il joue de ses percussions, t'as le nez qui se dandine comme ça, et puis il fait souvent des gestes complètement fallacieux en faisant mime de masturbation avec son nez. C'est assez marrant, quoi. C'est... Voilà, c'est quand on est déguisé, qu'on sait pas quoi faire dans un clip, on fait ce genre de choses. tu vas te mettre toutes les fans à dos, là. Oh, mais non, mais... j'aime pas quand on dit fan, parce que t'as souvent le concept du fan qui est prêt à tout accepter d'un groupe, ce qu'il faut pas du tout... Enfin, faut pas du tout être comme ça, quoi. Le fan à la fan de Justin Bieber qui dit... Il n'y a que lui et les autres, c'est de la merde. J'aime pas du tout ce concept. Dans la musique, tu peux pas être fan que d'un groupe, tu peux pas être fan de la personne. Chaque personne est bonne et mauvaise à la fois. Donc, chaque groupe fait des choses bien et des choses mauvaises à la fois, tant sur le plan musical que dans leur carrière. Tu peux pas. Ah bon, bref. Quand j'ai découvert ce groupe, tu vois, justement, moi je trouvais que c'était trop violent pour moi, ça hurlait trop, quoi. Non, mais c'est vrai, je veux dire, tu écoutes le premier album qui s'est vendu outre États-Unis de Slipknot, c'est de la merde. Quand tu l'écoutes la première fois, tu trouves que c'est de la merde, les mecs, ça, bam, bam, bam, bam, c'est nul, il n'y a aucun intérêt à écouter ça. Et justement, il y a des copains qui écoutaient ça, et je pense que c'était peut-être plus pour se dire ouais, j'écoute des trucs qui font violent et je suis un homme et machin. Tu sais, quand t'as 16 ans, forcément. Oui, bah, tu cherches un groupe, fan. Quoi. Ouais, voilà, tu te cherches un style, tu te cherches un machin, quoi. Et à force, j'ai appris à aimer, en fait, Slipknot, parce que t'arrives à retrouver quelque chose du musical derrière. Alors, certes, si t'as pas l'oreille un petit peu. Trop fermé, on va dire, ou l'esprit trop fermé, tu arriveras à trouver quelque chose après. Puis le fait que tes voisins aient fait des travaux pendant 2 ans et demi, je pense que ça t'a aidé. Ouais, c'est bien vu, justement, ça m'a permis d'apprécier. Non, mais justement, le titre Left Behind, par exemple, c'est un très bon exemple parce qu'il y a du texte et de la parole derrière, parce que ça parle d'une personne qui est mise à part, abandonnée par les autres, et d'ailleurs qui est un petit peu le souffre-douleur des autres. Bon, alors, encore une fois, hein, c'est celle que je préfère, mais. C'est plus pour la musique que pour les paroles. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Je la trouve superbe. Musique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on va dire des détracteurs, qui pourraient parler. Est-ce qu'on pourrait vraiment parler de musique ? Ben c'est vrai que beaucoup pensent que le métal ce n'est pas de la musique. Et je peux comprendre parfaitement parce que des fois, quand j'écoute des groupes que je ne connais pas, la première impression c'est pas de la musique, c'est du bruit. Et puis après, tu creuses un peu sur le plan musical, tu te rends compte que ce que fait la personne sur son instrument est juste impossible à faire quand t'as pas 10 ans d'expérience, voire 20 ans sur l'instrument. Tu te rends compte qu'il y a une technique de fou, tu te rends compte qu'il y a une passion derrière, tu te rends compte qu'il y a vraiment une étude musicale, tu te rends compte que le morceau c'est pas juste 3-4 notes jouées l'une derrière l'autre, quoi. Tu te rends compte qu'il y a une construction dans le morceau, qu'il y a quelque chose qui veut être dit, il y a des paroles qui vont avec, et c'est difficile à dire quand tu as pas l'oreille pour. C'est pareil, fais écouter un... Alors attention, alerte cliché, fais écouter un morceau de classique à quelqu'un qui a que écouté du rap, que écouté du métal, que écouté du reggae. Il va te dire, oh, c'est de la merde, c'est nul, il se passe rien, et machin. Pourtant, quand tu vas te renseigner un peu, ou quand tu vas vraiment écouter la pureté de ce son, tu vas dire, waouh. C'est beau. Eh ben, tu peux te dire la même chose pour le métal. La première fois, tu vas te dire, ouais, c'est de la merde. Bon, là, tu te diras pas que c'est... Tu vas juste te dire, c'est du bruit. Tu vas dire, ah, mes tympans ! Voilà, c'est ça. Mais ça se peut s'écouter pas fort, hein, le métal. Hein. Ça peut s'écouter pas fort. D'ailleurs, je l'écoute pas fort, moi, pas forcément. Je peux l'écouter dans le casque, tranquillement. Et tu peux, après avoir écouté un peu ce style, commencer à comprendre ce que c'est. Mais il y a quand même une certaine marche à franchir pour pouvoir commencer à s'intéresser à ce genre-là. Bah, oui, mais c'est comme tout. Je veux dire, c'est sûr que c'est un style musical à part. C'est comme le rap. C'est quand tu, enfin, t'as deux écoles, on va dire. T'as le métal, t'as le rap. Généralement, c'est ça. C'est deux styles opposés. Les deux sont mal fringués, mais. Ça, c'est vrai. Quoique, il y en a un qui a son fut sur les genoux. Hein. Le métalleux, c'est pas trop le genre. C'est plutôt les cheveux. Toi, tu as le fut déchiré. Mais... oui, le fut déchiré et les cheveux qui descendent jusqu'aux genoux. Mais. Comment on va se faire des potes. Ouais, on va se faire ça, des potes de partout. Alerte cliché. Non, mais je veux dire, c'est comme faire écouter du rap à un métalleux et faire écouter du métal à un rappeur, quoi. C'est deux styles différents. Et pourtant, celui qui prend la peine d'écouter. Pourra trouver quelque chose. Après, quand tu me dis « Écoute, Maître Gim, c'est bien », je t'avoue que même en écoutant, j'ai vraiment du mal à y trouver quelque chose de bien. Alors, je n'ai jamais dit ça. Moi, je te le dis, j'ai du mal à écouter. Je n'écouterai pas Maître Gims. Mais voilà, tiens, j'aurais dû mettre du IAM dedans, dans ma playlist. Ah oui. Pour contrecarrer, ça aurait été bien, surtout que t'en as dans le jingle, quoi, dans le générique. Ouais. Et ça aurait été bien d'en mettre parce que c'est pas parce qu'on aime écouter du métal qu'on peut pas écouter du rap. Et j'aimerais pouvoir dire l'inverse, même si je connais pas de gens qui écoutent que du rap et. Enfin, qui écoutent du rap et aussi du métal. Moi, je n'en connais pas, je suis convaincu que ça existe, mais je n'en connais pas. Oh, il y a des gens bizarres sur cette planète. Non, mais il faut écouter tout, hein. Tu vas voir, avec ces 10 titres, on en a fait combien, 3 ou 4 là ouais. Donc il ne reste plus grand chose en métal, un ou deux. Et oh, après, ça va être que des styles complètement différents. Donc. Ah ben justement, on va encore changer de style, on va aller un peu plus de calme. Tu parlais de piano et de classique, on va continuer aussi dans la gentillesse. Vous les voyez, ces heures de sommeil parties dans le vent, la rage des coups de poing dans des cuves en bois. On va s'écouter pour la première fois dans la playlist, et j'espère pas la dernière, un thème issu d'un jeu vidéo. Sweden de C418 sur la bande originale de Minecraft. Ah, c'est du miel qui coule dans mes oreilles, là. T'entends les bruits de la forêt, là ? Ouais, j'entends surtout les bruits des cubes que je casse dans Minecraft. C'est terrible. En remettant ce titre-là, je me suis revu toutes ces heures à taper dans des putains de blocs à la con, à repasser dans des blocs à la con, me planquer dans des cavernes à la con. Est-ce que tu entends ce bruit de porte qui s'ouvre ? Oui, et j'en ai aussi. C'est délire, c'est génial ce que cette musique peut faire, quoi. Et le bruit des dalles automatiques qui font clic quand tu marches dessus. C'est ça. C'est terrible. C'est quand je parlais d'heures de sommeil qui sont partis, c'est exactement ça. Alors pourquoi Sweden ? Bah parce que... Alors c'est difficile, je vais te faire mon petit topo que j'ai écrit parce que sinon je serais trop perturbé dans le truc. Justement, là on bascule dans la musique des jeux vidéo et surtout dans l'univers à part entière de Minecraft. C'est un petit jeu indépendant qui est pas trop connu, troll, où on manipule des cubes à travers une espèce de trame de survie. Je dis trame de survie parce que c'est très vite maîtrisé le côté survie dans le jeu. Et justement, la musique a été composée par C418, qui n'est pas suédois comme on pourrait le croire, puisque le créateur du jeu est suédois, mais allemand. Il s'appelle Daniel Rosenfeld, hein, de son vrai nom. C'est tout le mec qui a 26 ans, quoi. Ouais, c'est un petit genou, et justement, il a fait l'OST de Minecraft. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait connaître au plus grand nombre. Mais il s'est aussi chargé des sons du jeu. On vient d'en parler, ces petits sons qui, rien qu'en entendant cette musique, nous revient en tête. Et donc, si vous êtes un grand joueur de ce jeu, vous savez peut-être pas que ce mec est responsable de tous les jeux que vous pouvez entendre dans le jeu, mais en tout cas, c'est lui. Et alors, il y en a une de ces musiques que l'on entend dans le jeu, maintenant plus, puisque les musiques ont été remplacées, mais qui se trouve sur un album vendu, c'est Sweden, donc celle qu'on vient d'écouter, et qui est d'ailleurs pas finie, et qu'on entend, et qui est magnifique, envoûtante. Elle colle à merveille hein, l'ambiance du jeu, et ça renforce vraiment l'immersion. C'est surtout tout le sound design du jeu qui renforce l'immersion. Je me suis surpris en plein orage, avoir me planquer à l'intérieur parce qu'il pleuvait. c'est terrible. Bah d'ailleurs, moi je crois que, en plus de quelques vidéos tuto que j'avais vues de Fantasio à l'époque, en entendant cette musique, ça a joué sur le déclenchement de l'achat du jeu. Tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été envoûté par cette musique. Elle a une ambiance à part, elle a quelque chose. Je peux l'entendre n'importe où, j'aurai des frissons quand elle commence, quoi. Alors, les autres titres de l'album sont aussi bien et envoûtants. Mais je sais pas, j'ai une préférence pour ce titre. Quand j'entends ces accords, ça me fait quelque chose. Il y a quelque chose de mélancolique, nostalgique dans cette suite d'accords, dans cette ambiance. En plus, il y a un truc qui est génial dans cette musique, je n'arrive pas à refaire. C'est cette sonorité de piano. Vous pouvez prendre un vieux piano, vous pouvez foutre un micro à 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre par-dessus, enfin... Je n'arrive pas à retrouver cette sonorité de vieux piano. En fait, non, mais alors tu sais quoi, j'ai une révélation là. J'ai peut-être une idée de pourquoi il me plaît autant. Peut-être parce que c'est un peu la sonorité du piano que tu as quand tu apprends à jouer, quand t'es gamin. C'est un peu cette sonorité-là. J'ai pas cette impression. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un piano droit. Au niveau du son, j'ai l'impression que c'est un piano droit, pas un piano à queue, ça c'est sûr. On trouvera un ou une spécialiste des pianos et on trouvera la réponse à ta question. C'est pas Kalinette qui est pianiste ? Non, c'est Apollinaire 2. Ah, pardon, excusez-moi. Bah voilà, tu pourras lui demander, peut-être qu'elle te dira. Mais a priori, selon le son, j'aurais tendance à dire que c'est un piano droit et que t'as l'impression que c'est un petit piano, tu sais, d'entrée de gamme, d'apprentissage, quoi, le truc en dessous de 1000 euros, quoi. Et. Je sais pas, enfin moi ça me rappelle un peu quand j'apprenais le piano quand j'étais gosse avec ma mère à côté qui m'aidait, et c'est peut-être ça en fait qui fait que j'ai tant aimé ce morceau. Puis mine de rien, c'est pas un morceau court, c'est un morceau extrêmement long qui au final va représenter ce que va être ta partie de Minecraft. Il n'y a pas de grand coup de bourre ou de quoi que ce soit au final. Tu as le temps, tu vas construire, tu vas te balader, tu vas te chier dessus dans les cavernes, mais t'auras le temps. Ça va passer le temps. C'est ça qui est terrible et génial avec ce jeu. Et surtout pour ceux qui jouent un peu de piano, essayez de jouer ce morceau, vous allez voir qu'il y a quand même des accords qui sont... Enfin, c'est pas le truc, c'est pas les enchaînements d'accords auxquels on pense tout de suite. C'est un petit peu... Ça bouleverse la logique. Il y en a d'autres hein, de Minecraft qui sont comme ça, où quand je les ai joués, je me suis dit, mais comment il a pu composer ça? Je veux dire, il n'y a aucune logique là-dedans, c'est... Il a trouvé... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, parce qu'on a toujours... On a toujours des accords qui reviennent, on a toujours des façons de jouer qui nous sont propres, mais là, le mec, il a un truc qui est différent, et c'est super agréable. Alors, juste comme ça, pour info, il a composé deux albums complets pour Minecraft, en deux volumes, Minecraft volume alpha et volume bêta, soit à peu près 54 titres, il s'est pas fait chier. Et si vous voulez écouter tout ça, le gentil monsieur a un bandcamp, ce qui est quand même assez pratique. Et les deux sont sur Spotify, au cas où. Ah, j'avais pas été voir ça. Le bêta est d'ailleurs très bien, hein. Je me le suis écouté en boucle pendant des mois au boulot, et il est super aussi. Hein. Bah d'ailleurs, je crois que chaque fois que je joue à Minecraft en live, c'est le bêta qui tourne derrière. Ouais, ça doit être ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais tu sais pourquoi ils ont changé la musique dans le jeu ? Oh, je pense que c'est pour les hardcore gamers. C'est au bout d'un moment, même si je suis un grand fan de ces musiques, au bout d'un moment, t'as envie de les couper, quoi. Parce que je veux dire, quand tu as... honnêtement, je pourrais pas te dire combien d'heures j'ai joué à Minecraft, mais je suis pratiquement sûr qu'on est proche des 2000, voire de plus. Ça a duré 2-3 ans tous les soirs. On peut dire beaucoup trop, mais... Ouais, bien sûr, beaucoup trop, bien sûr. Tu parlais de nuits qui partaient, effectivement. C'est à ce moment-là que j'ai testé ma résistance au sommeil. Hein. J'ai fait des nuits à 3 heures de sommeil avant de retourner au boulot, parce que je ne pouvais pas décrocher de ce jeu. C'était de la drogue, comme certains parleraient de World of Warcraft, moi je te dirais la même chose sur Minecraft, quoi. C'est terrible. Bon, allez, encore 3 cubes à mettre là, c'est bon. C'est ça. Ah, il me faut du sable. Oh, ça va aller vite. Ah, oh, et puis il me faut encore une torche. Ah, c'est fini. C'est un univers spécial quand même, Minecraft. Hein. C'est pour ça que ça me fait peur. Quand il parle de l'Oculus Rift pour Minecraft, ça me fait peur, quoi. Bon, comme je suis un peu blindé maintenant du jeu, au bout de 3 ans, t'es un peu blindé et puis surtout blasé. Mais du coup, heureusement, parce que si à l'époque il nous avait sorti l'Oculus sur Minecraft, là c'était fini, là. T'oublies les 3 heures de sommeil, là. T'as vu le prix de l'Oculus aussi, là. Minecraft, c'était quoi, 15 euros ? T'as déjà été super fan de quelque chose à te dire, moi je m'en fous du prix que je mettrais pour y profiter ? Non. Bah voilà. Mais tu vois, Minecraft, c'est sorti à une époque bien précise, qui ont ciblé des gens bien précis, qui avaient peut-être pas exactement le même portefeuille qu'on peut avoir. Ah maintenant. Non, c'est sûr. Je pense que j'étais pas dans la cible, mais en tout cas, j'ai pris au truc et... C'était monumental, mais je regrette rien parce que je fais du podcast aujourd'hui, les vacances que je fais avec les personnes avec qui on part sont grâce à Minecraft, toutes les personnes que je connais maintenant sur internet, les 90% c'est grâce à Minecraft, donc je ne regrette rien, au contraire. Vous faites des vacances taillage de bûche, c'est formidable. Taillage de bûche, j'ai peur de comprendre ce que ça veut dire. Non, des bûches, du bois. Du bois. D'accord. Je ne sous-entends rien. Effectivement, pour faire du barbecue cet été, on a taillé du bois. C'est donc pratique. Ça tombe bien. Pire, c'est que c'est vrai, mais voilà. Bon, on va repartir dans le métal. Ouais. Avec Lamb of God pour 512 sur l'album. Ah ouais, là, ça attaque fort, là. 7, alors, attention, 7 Sturm und Drang. Un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit. Six bars laid across the Alors Kenton, bon, on est déjà au sixième morceau. Oui. J'ai l'impression que t'as un peu une passion pour le métal. Non. Du tout. Non, enfin, on va dire que dans les musiques que je préfère, il y a beaucoup de métal, mais je peux écouter de tout. Sauf Maître Gims et du rap actuel, mais sinon je peux à peu près écouter tout, ça me posera pas de problème. Que ça soit du classique, du jazz, reggae, c'est pas mon kiff, mais je pourrais écouter sans que ça me gêne. Mais effectivement, j'ai une préférence pour le métal. Alors, pourquoi Lamb of God ? Pourquoi Lamb of God ? Pourquoi ce morceau-là, donc cette playlist-là, dans ta playlist idéale ? Alors, parce que c'est... j'aime tout de Lamb of God, hein, forcément, c'est un groupe de métal, donc j'aime. Mais j'ai suivi les 4 ou 5 albums, pour te dire, je sais même pas combien d'albums ils ont fait, même si je connais toutes les zik. Ils en ont fait beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah c'est le 8ème, pardon, je suis loin du compte. Et pourquoi celui-là ? Parce que c'est ici du dernier album, et c'est la musique que j'écoute beaucoup en ce moment, et elle a été composée par le chanteur. En général, c'est plutôt les guitaristes ou les bassistes qui composent et peu les chanteurs. Mais là, ça a été composé par le chanteur parce qu'il a été arrêté à Prague. Parce que quand il a été faire un concert là-bas 2 ans plus tôt, un mec a voulu monter sur scène. Et le chanteur, c'était juste en plus. Alors, pour les connaisseurs, c'était pas longtemps après l'affaire de Pantera où un mec était monté sur scène et avait poignardé Dimebag. Donc ça laisse un petit peu les traces, quoi. Et alors là, bon, il s'est pris je sais plus combien de coups de couteau avant que ça agisse, donc il est mort sur scène, donc ça fait un peu mal. Pantera, ouais, Pantera c'est un peu le groupe préféré de tous les métalleux de la planète, donc cette histoire est un petit peu mal passée auprès de tout le monde. Et quand il a vu ce mec monter sur scène, son réflexe a été de le pousser de la scène. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que le mec en tombant est décédé, en fait. Il est mal tombé, il est décédé. Donc 3 ans après, quand le chanteur est revenu, il s'est fait arrêter sur place, et voilà. Et donc il a fait de la prison préventive, je crois, avant procès. Il a été innocenté au procès, si je dis pas de bêtises, je suis en train de regarder en même temps. Je sais pas, mais bon bref, en tout cas il a fait de la prison, un petit peu, et il a écrit ses paroles pendant. Et le clip est assez merveilleux, faudrait aller jeter un oeil si vous aimez pas la musique. Ça parle d'une... Il a un peu calqué sur son histoire, mais c'est bizarre parce que il dit qu'il a calqué sur son histoire, mais j'arrive pas trop à trouver où sont les rapports, mais il parle d'une fille qui se fait apparemment violer et tuer, jetée dans un fleuve, au bord de l'eau, et lui, avec son groupe de musique, il tombe sur cette jeune fille, donc il prévient la police, machin, tout ça, et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est l'un du groupe qui a tué cette jeune fille, donc ils vont le retrouver, le tabasser, et on sait pas trop s'il le tue ou pas, mais bref, voilà. Et je sais pas, cette musique, elle m'a plu. Et je l'ai écouté énormément, et du coup, voilà, ça reste dans le... Oh, c'est bonne ambiance, le clip, en plus. Je suis en train de le voir. Bonne ambiance, je sais pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fille qui est morte et emballée dans un sachet ou je sais plus quoi, donc c'est pas terrible au niveau de l'ambiance, comme tu dis. Parce qu'il y a un blond aux cheveux longs avec des yeux de fou, c'est très rigolo. Ouais, c'est flippant. Ouais, enfin, bon, c'est pour ça que je dis bonne ambiance. Bah, pourquoi il hurle tout le temps? Ah, c'est le style qui vaut ça. Je sais pas, c'est un style un peu. C'est American, je sais pas quoi, metal, American Neo Metal. Attends, comment ils disent? New Wave of American Heavy Metal. Comme je t'ai dit avant, quoi, les sous-genres, je m'en fous, quoi. Moi, ça sonne bien à mon oreille, et voilà. Et faut écouter les autres albums aussi. Bon, après, t'as ceux qui diront Lamb of God, c'est tout le temps la même chose, mais comme le style me plaît, moi, ça va si c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est du metal très énergique. Effectivement, ça gueule beaucoup et ça chante pas beaucoup, par contre. Il n'y a pas beaucoup de... Comme dans American Charge, ça peut être très doux, là. Je l'ai pas du tout. Voire jamais. Moins important, les paroles. Alors, les paroles, j'en ai aucune foutue idée. J'en ai aucune foutue idée, mais de aucun titre du groupe. Hein. Là, c'est vraiment que le style musical qui me plaît à l'oreille. Donc, ouais, c'est un peu honteux. Hein. Je suis pas un vrai fan de chez fan, mais... Il n'y a pas de honte. Personne ne te juge ici. Bah attends, tu vas me juger quand je te mettrai mon titre de la honte, là tu peux être sûr que tu vas me juger. Oui, mais ce sera seulement sur le titre de la honte. Voilà, mais là non, honnêtement, j'en ai aucune idée des paroles. J'ai jamais été chercher à savoir ce que ça voulait dire. À part pour celle-là, puisque celle-là, le titre m'avait plu et j'ai été un peu cherché, et du coup ça parle de cette jeune fille qui se fait tuer, mais toutes les autres, aucune idée. Je sais pas de quoi ça parle, c'est juste agréable à l'oreille. Et... Ça me donne envie de bouger, ça me donne envie de... De jouer de la guitare et de chanter de hurler par-dessus plutôt. Vous aurez compris que Kenton est un homme de contraste. Donc tu es musicien toi aussi. Musicien, c'est un grand mot. C'est-à-dire que je touche aux instruments vite fait et seulement ce que j'ai besoin. Oui, donc guitare, un peu de clavier. Plus clavier que guitare d'ailleurs. Est-ce que tu as un jour touché à du mélodica ? Du mélodica, c'est pas le truc que tu souffles dedans ? Oui. Mais j'en ai un, mon cher ami. Il est chez mes parents, mais j'en ai un. Merde. Tu ne touches pas à cette merde. Mais c'est de la balle, attends. Et tu sais quoi, ma gueule ? J'ai joué avec putain, non. Si, j'ai joué avec ça. Mais attends, je devais avoir 6 ans. J'ai joué ça dans un champ en pleine campagne, mon gars, à côté de moutons. C'est juste la classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la vraie vie. Oh putain. Il manquait juste le petit. Tu sais, comme dans les pubs, là. Les pubs qui passaient quand t'étais gosse. Voilà, c'est ça, la petite saucisse, le petit fromage. Et là, c'était la vraie vie, mon gars. Ça, c'était bien. Il n'y avait pas les impôts, il n'y avait pas la justice, il n'y avait pas notre état dégueulasse. Tout ça, t'étais ignorant à l'époque. Tu soufflais dans ton mélodica, tu croyais que la vie était devant toi. Et t'avais pas idée de cette merde qui arrivait. Apollinaire va beaucoup t'aimer. Moi, beaucoup moins. Mais écoute, quand t'as 4 ans, qu'est-ce que tu veux jouer d'autre qu'un mélodica, quoi. Et en plus, c'est perle rare. T'en trouves pas partout de ces trucs-là. Hein. Heureusement, je pense que les magasins d'instruments ont eu pitié de nos oreilles. Est-ce que tu préfères l'automatone ? Ah, je. On va passer au titre suivant, et cette fois-ci, on va changer un petit peu, pas de métal, mais du rock, et du rock US qui est bien, mais par contre, c'est un très très très grand classique du rock US, avec un clip plutôt anxiogène. On va continuer avec Black Hole Sun de Soundgarden. Black Hole Sun, Soundgarden, super classique. Oui, apparemment, oui. Mais ça remonte, ça, 1984. Bah ouais, c'est comment ça. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, en fait. Alors déjà, je peux pas te parler des paroles, parce que en général, on demande, ah, les paroles, ou ça, c'est... Non, je peux pas, parce que même traduit, je comprends rien, si c'est... Est-ce que c'est une prédiction de fin du monde? Je sais pas, je peux pas dire. Non, en fait... J'ai découvert cette musique par hasard, un petit matin, tranquille, où j'allais au collège ou au lycée, je sais même plus tellement c'était il y a longtemps, tu vois. Et elle est passée à la radio, attention, sur Europe 1, t'imagines. Alors c'est même vieux ça, oulala. Ah ouais. Même si la radio elle tournait le matin, tu vois, mise en route par mes parents, je l'écoutais pas vraiment, tu vois, moi je prenais mon petit déj, mes petits miel pops, et puis ça y est, je partais à l'école, quoi. Et je sais pas pourquoi, cette musique, elle m'a sorti de mon coma matinal, elle m'a fasciné. Le problème qu'il y a, c'est que... Le titre, il avait été dit avant que la musique passe, donc j'avais pas fait attention. J'étais pas en mesure de comprendre un seul mot d'anglais, et donc j'ai même pas pu rechercher, surtout que, rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre nous, Internet, c'était pas aussi répandu qu'à l'époque, c'était pas facile de trouver une musique, et Shazam, ça n'existait pas non plus. Bref, je suis resté des semaines à chercher cette musique, à chantonner un petit peu ce que j'avais retenu à mes copains avec, je sais pas, je me souviens plus ce que je disais. Le Shazam de l'époque. Ouais, c'était un peu ça, c'était le Shazam d'époque. Tu connais ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et jusqu'un jour, il y a un mec qui m'a dit « Bah ouais, mais c'est Soundgarden, c'est trop commun et tout, c'est presque déjà dépassé, tu sais, enfin voilà, avec les trucs de l'époque. » Et puis bon, après, j'ai dû écouter 20 fois cette chanson par jour, pendant des mois et des mois. Je sais toujours pas pourquoi, hein. Mais je sais pas, il y a un truc, c'est inexplicable avec cette musique, ce que ça a pu me faire, quoi, c'est... Il y a un petit côté mélancolique. Ouais, je sais pas, il y a un côté même trans dans cette zigue, je sais pas, c'est... Alors, en fait, mais je pourrais te dire ça dans toutes vraiment, les zigues. Vraiment étrange. Hein. Ouais, c'est ça, et si quelqu'un comprend ce que ça veut dire, moi, j'ai pas cherché spécialement depuis, mais je comprends pas, honnêtement. À vue de nez, c'est quand même bien une histoire de fin du monde ou quelque chose, mais c'est vraiment étrange. Ouais, c'est ce que j'ai pu en sortir, quoi. Une prédiction de fin du monde, une vision apocalyptique de notre société, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas joyeux, ça c'est sûr. Mais cette musique, vous pouvez prendre n'importe quelle version qui traîne n'importe où, je dirais pas par tous les groupes qui l'ont repris, parce que certains sont très mauvais, mais je pense que tout ce qui est fait par Chris Cornell, qui est le chanteur, vous pouvez être sûr que ça sonne bien, quoi. Il y a des versions acoustiques qui traînent sur le net qui sont juste fameuses aussi. Hein. Alors j'ai dit 84, c'est complètement de la merde, c'est 94. 94, bah ça s'y a un plus déjà, parce que 94 oui, j'étais en âge de comprendre ce qui passait à la radio, parce que 84 j'étais plutôt en âge de comprendre qu'on me mettait une sucette en bouche, donc... Ça déchire quand même, c'est assez bizarre quand même. Donc apparemment ce groupe là, merci Wikipédia, je ne répéterai jamais assez, c'est un des groupes qui est à l'origine du grunge avec Pearl Jam et Nirvana. Oui, c'est toute la clique, justement, ouais, qui, en même temps que Nirvana, effectivement, c'était, t'avais toute une clique de groupe comme ça, et c'était fascinant, je sais pas, c'était une période fascinante au niveau musical, surtout au niveau rock, où ça explosait, mais c'était un petit peu, je sais pas, t'étais un petit peu différent quand t'écoutais ça, tu vois, quand t'étais ado, déjà, t'écoutais du rock parce que tu voulais être différent des autres, quoi. Après, quand t'étais un petit peu plus vieux, tu passais au punk, mais je veux dire, c'était déjà ta manière de te différencier, tu vois. Et puis, je sais pas si t'as eu ça aussi à ton époque, mais il y a eu beaucoup une période de jean troué, chemise à carreaux de bûcheron, c'était bien ça, j'en ai encore une, je la mets encore. Bah, ça revient, surtout en ce moment, quoi. Bon, maintenant, ça s'appelle du hipster, mais... Moi non, classe, mais les vrais, les déchirés, les sales, pas les propres et tout, avec des barbus, quoi. Enfin, bref, je me comprends, c'est pas grave. Non, si, je vois bien, mais je vois aussi surtout les suites Waikiki, ce genre de choses. Enfin, voilà, quoi, c'est... Les doudounes Chevignon, les bananes, et oh mon dieu, non. Oui, les bananes, mais sérieux, on était trop classe quand on avait une banane. Maintenant, tu vois une vidéo du truc, une photo du truc, tu dis oh, la honte, j'ai aucune conscience de la honte que j'avais, quoi. Mais à l'époque, ça passait bien. Ah, mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Non, effectivement. Oui, c'est ça, tu squattais devant ton téléphone, mais c'est pas en qu'on t'appelle. Tu allais à la cabine téléphonique. Tu achetais le journal du Mickey en découpant tes cartes téléphoniques périmées pour faire des skateboards à doigts. Voilà. J'avais pas fait ça, moi. Il y avait que les vrais qui savent. C'est skateboard à doigts avec des vieilles cartes téléphoniques découpées. Ça, mon gars, c'était priceless, quoi. C'était l'époque, hein. Et nous, à notre époque, on s'amusait avec rien. Alors que maintenant, faut un Oculus Rift. Bah ouais, c'est vrai. Non, mais on fait des vieux cons aigris, mais voilà. Mais après, chacun son époque. On peut pas critiquer une époque par rapport à une autre. Nos parents, c'était avec des bouts de bois, alors voilà. Soi-disant. Et Randall Flagg, lui, il assistait à la naissance du feu. C'est pas pareil. Ouais, on m'a dit d'ailleurs qu'il côtoyait Jésus. Je suis pas sûr si c'est vrai ou pas, mais. Je sais pas, il paraît qu'il était à côté de lui au niveau de la croix, mais qu'il a pu descendre. Enfin, je sais sûr, pas. Tout le monde dit c'est Jésus le beau gosse, mais en fait c'était Randall Flagg, quoi. Je sais pas. Jésus, c'était un usurpateur de Randall Flagg. Je sais pas si on saura ça un jour. Enfin, il est quand même vraiment très très étrange, ce type. Regardez-le sur YouTube, il y en a plein. L'officiel, c'est vraiment très très très très bizarre. Mais je pense que ça tient beaucoup à l'ambiance même du titre en lui-même. Il n'y a pas de parole. Soleil trou noir, soleil trou noir, soleil trou noir. C'est vraiment une fin du monde. C'est même pas du rock énervé. C'est du rock tranquille. C'est ça qui est bizarre. Après, c'est ça qui est assez drôle, c'est que cette musique a fait quand même un tabac, hein, faut le dire. Hein. Mais de Soundgarden, il n'y a pas tant de titres que ça qui restent. C'est le genre de groupe qui va sortir un titre monumental que tout le monde va s'en rappeler pendant des générations. Mais cite-moi un autre titre de Soundgarden qui est aussi bien. Alors certes, les grands fans m'en diront, mais le commun du mortel... Alors d'après YouTube et des recommandations, je te redis Smell the Active Spirit, mais j'ai bien regardé, c'est Nirvana. C'est Nirvana, ça. Donc non, mais oui. Il n'y en a pas beaucoup. Fell on Black Days, je sais pas ce que c'est. La playlist, le podcast de la culture musicale. Ah si, Black Day, ouais, effectivement. Attends, si c'est... je vais chercher en même temps, hein. Je suis désolé, ça fait un peu pas préparé du tout, mais... Je vais te passer le lien. Oui, effectivement. Alors, cette musique, est effectivement, elle est très bien. Mais d'autres... Alors là... C'est un peu le problème. C'est tout ce qu'ils ont vraiment fait, ça a été comme ça, quoi. Dites-le nous dans les commentaires, si vous nous écoutez, les trois là qui êtes derrière. C'est vrai que Soundgarden, ce titre-là, il est immortel, il n'y aura rien à faire. Mais autre chose... Bon, moi j'arrive pas à avoir du son, je pourrais rien dire. Faudrait que je ferme Chrome, c'est pas une bonne idée. J'aurai toutes mes notes qui vont foutre le cran. Non, ben voilà, mais effectivement, à la vue du titre, je me souviens très bien de cette musique, et elle est très bien aussi, mais C'est déjà pour ceux qui connaissent un peu plus Soundgarden que le simple titre de Black Olson, quoi. Alors c'est Black Olson, pas Black Coulson, que si vous regardez Agent of Shield, vous comprendrez. Mais ouais, j'ai pas compris ce que t'as dit, mais je suis sûr pas que grave. Oui. C'était très drôle. D'accord. Merci Pardon. Beaucoup, c'est très gentil. On continue vers le gentil et l'incompréhensible, surtout en allant vers la Norvège de Siri Nielsen. Ouais, c'est Nielsen. Avec Alle Snacker Sunt, un truc du genre, sur l'album Alle Snacker Sunt. Entre parenthèses, ils disent tous la vérité. Je sens que ça va être un truc qui dénonce, je sais pas pourquoi. Hvor skal du gå når alle veier fører til en vegg? Og i den veggen et lite sted. Et revient sur du gentil. J'en ai des frissons sur ton corps, mon gars. Hvem hører du på når alle snakker sant og sier høyt? Og du har hørt det tusen ganger før. Mais alors pourquoi ça? Pourquoi ce titre-là? Pourquoi elle? Pourquoi la Norvège? Pourquoi le monde? Pourquoi l'univers? Mais ne pose pas cette question, tu sais que je ne peux pas te dire pourquoi, parce que c'est intraduisible, tu peux pas mettre des mots là-dessus. Non, en fait j'ai découvert cette artiste norvégienne un petit peu par hasard sur Spotify, parce que j'écoutais déjà une artiste islandaise, donc vachement au nord, bien dans le froid, qui s'appelle Hafdís Uld, ça s'invente pas mon gars, Hafdís Uld. Ouais, Glut, tu peux le dire, ouais. Bah c'est islandais, hein, c'est un peu différent. Et du coup, Spotify me l'a recommandé en disant « T'aimes bien Hafdís Uld ? Tiens, t'aimerais bien Siri Nielsen ?» Et puis, c'était juste au moment où ils sortaient leur système de recommandation. J'avais écouté 2-3 trucs et j'avais trouvé ça vraiment à chier. Mais du coup, j'ai laissé une dernière chance. Et je te jure, c'est ça qui m'a fait sourire, parce que c'était la dernière chance que j'ai laissée à ce système. Et je suis tombé sur Siri Nielsen. Et là, ça a été le coup de foudre musical immédiat. Alors, pas grâce aux paroles, parce que comme t'as dit, je connais aucun mot du norvégien. Mais je sais pas, il y a sa voix si douce, son style différent de notre musique habituelle. C'est pas, on est loin de ce qu'on fait en Europe, quoi. C'est. Je sais pas, tout ça, ça a fait que je suis devenu fan très vite, tu vois. Alors, on va parler un peu d'elle. Hein. C'est une petite brune magnifique, née à Oslo, qui a sorti 4 albums, tout aussi agréable à écouter les uns que les autres. Donc ça déjà, ça pose le truc. Je vous invite à aller voir une photo d'elle, vous allez voir, elle est magnifique. Petite brune, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Bah oui, non, mais ça aide aussi, je veux dire. Quand t'as la voix et d'un coup tu vois quelqu'un qui te plaît pas, ça casse un peu le truc. Et là, elle est juste magnifique, donc ça tombe bien. Et je sais pas, il suffit de... écouter cette petite voix, toute douce... Non, non, tu vois là, c'est, tu vois, c'est, je sais pas, c'est, voilà, encore une fois, je ne sais pas quoi mettre comme mot là-dessus. On peut pas dire pourquoi ça te fait ça, mais écoute ça. Là, ce petit refrain, ça sonne bien, c'est joli, c'est bon. Après, effectivement, c'est à base de glut et de flûte et de schrute et de, je sais pas, ouais, je comprends rien. Pour moi, j'ai un instant norvégien des Robins des Bois. C'est un peu ça. Mais oui, c'est vrai, quand tu écoutes les paroles, tu te dis, oh la vache, comment elle fait pour manier une langue aussi violente au niveau de trucs qu'elle dit avec sa bouche, tu vois, c'est impressionnant, mais voilà, je sais pas, c'est... Et puis bon, elle a fait quoi? Ouais, 4 albums, et les 4 albums sont tout aussi intéressants à écouter, ça reste dans le doux, hein, chaque fois c'est de la petite pop sympa, très douce. C'est vrai que je la vois mal reprendre Black Olson ou alors 512 de Slipknot. 512 non, mais Black Olson, elle pourrait faire une version, hein, pourquoi pas, hein, ça pourrait être intéressant, au contraire, justement avec son style à elle, ça pourrait peut-être être intéressant. Avec des petits, des petits oursons, je sais pas. Je serais curieux de savoir comment elle prononce Black Olson avec son accent norvégien. Avec des hauts barrés, des trucs comme ça, c'est très difficile à dire. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, si vraiment ça vous intéresse, allez voir, il y a un petit clip plutôt sympa où elle a été filmée apparemment sur le toit d'un immeuble en train de chanter cette chanson-là. Le truc fait à l'appareil photo au-dessus, un truc super classe avec les reflets, les machins. Mais soi-disant une petite production indépendante, c'est mignonnet comme tout. C'est en voix pure, elle joue avec sa guitare sur place, sans effet studio, sans super son, c'est du son brut. Et elle chante un tout petit peu faux du coup, parce qu'elle est en live et tu vois, tu sens que ça, et ben justement, ça fait tout le charme du truc. C'est pas les grosses productions qu'on a l'habitude d'entendre, c'est juste du véritable, du frais, du... Je sais pas, c'est difficile. T'es chiant avec tes questions, en fait. C'est difficile non, à ça, mettre des émotions. Ça fait ressortir, hein, le côté coup de cœur du titre et de l'artiste. Bah, je vais quand même le dire, quand j'ai fait cette playlist 10, pour les 9, allez, 8 titres sur 10, j'ai dû avoir les larmes aux yeux quand j'ai écouté, parce que c'est vraiment des musiques qui sont importantes à mes yeux, et justement cet artiste-là, il y a des périodes de l'année où je l'écoute plus, tu vois, proche de Noël par exemple, j'écoute beaucoup. Je sais pas pourquoi près de parce Noël. Parce qu'il fait froid et que ça te rapproche du Nord, et t'as l'impression d'être plus proche d'elle. Bah ouais, non, enfin, oui et non, parce que elle, je m'en fous, hein. Elle chante bien, c'est tout, je m'en fous. À la limite, tu m'aurais dit Hafdís Uld, c'est terrible, c'est l'Islande, et je voudrais beaucoup voyager en Islande au moins une fois dans ma vie pour voir de mes propres yeux ce magnifique pays, mais elle, pourquoi je suis pas, non, pourquoi la Norvège? Ouais, ce serait sympa, j'aimerais bien aller, ouais, aussi. Islande, Norvège, allez, s'il y en a un qui veut voyager, qui a une place entre eux. Tu vas voir les studios de Notch, et puis c'est bon, quoi, t'as fait le petit trip, et puis... Les studios de Notch, les studios de Microsoft, tu veux dire? Oui, Microsoft, maintenant. Ouais. Tu sens l'aigri au fond de la gorge. Non, mais effectivement, ouais, je serais ravi d'aller, justement, faire un petit tour en Norvège et aller voir un concert de Siri Nielsen, parce que ça doit être un plaisir. D'ailleurs, un des albums, c'est un album live, et ça prouve qu'il reste encore des chanteurs qui sont capables de t'émerveiller avec une simple voix et une guitare sur scène, quoi. Sans disto, sans gueuler, sans parler de gens qui sont mis à part, sans parler de suicide. Juste des belles choses, quoi. Parce que, en fait, quand tu traduis cette chanson qui parle de la vérité, que les gens disent tous la vérité, bon, c'est un petit peu gentillet et... Trop gentillet, même, mais ça reste du joyeux, c'est mignon, quoi. Ça fait plaisir quand t'écoutes, quoi. Les petites fleurs, les flocons qui tombent... C'est ça, ouais, c'est ça, tu vois des petites pétales de soleil qui tombent, quoi, quand tu écoutes ça, mais... Il ne prend pas de drogue, hein, alors ne vous inquiétez pas. Ah non, justement, non. Je crois que des fois, ça pourrait aider. Oui, ouais. Non, bon. Non, et pour finir, d'ailleurs, je crois qu'on va partager un coup de cœur, parce que là, oui, c'est énorme. Puisque retour dans le monde du jeu vidéo indépendant de 2011 avec Set in Sail, Coming Home, sur la bande originale de Bastion. Cette chanson-là, Bastion, j'espère qu'il y a joué au moins. Oui, oui, oui, j'ai jamais réussi à le terminer parce que... Oh non! Il reste un petit peu répétitif comme jeu, mais... Alors tu comprends pas pourquoi il y a les... Ah là là! Cette chanson-là, vous allez écouter un petit peu, il y a une voix d'homme et une voix de femme. Il se trouve que dans la bande originale, dans tout l'album, il y a cette piste-là avec seulement la voix d'un homme et une autre piste avec seulement la voix d'une femme. Et si les deux-là sont ensemble, sur la même piste, c'est qu'il y a une très bonne raison. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir fait le jeu. Ah oui, mais je l'ai pas terminé. Et plusieurs fois, je l'ai fait, hein, pourtant. Mais je l'ai jamais terminé, j'ai jamais réussi à arriver jusqu'à la fin. Il y a un moment, ça devient difficile. Il devient difficile pour moi. Et puis, comme je suis pas un hardcore gamer, j'abandonne. Ça vaut le coup de pousser. Ouais, c'est vrai. Ah oui, vraiment à la fin, ouais. Bon, en tout cas... Il y a vraiment un truc qu'on peut noter dans ce jeu vidéo, c'est que tout le jeu déjà est décrit par une voix qui explique ce que fait votre personnage que vous guidez. Ça c'est intéressant, c'est parce qu'on ne trouve pas ça dans les autres jeux. Je crois, j'ai pas connaissance d'un autre jeu qui pratique ce type de truc. C'est-à-dire que quand vous allez... Si, en fait, on est du même studio après, donc... Ah oui, bah, c'est Transistor. Oui, d'accord. Non, mais oui, d'accord. C'était après. Mais c'est on va dire que c'est le premier jeu, à notre connaissance, qui fait ça. C'est-à-dire que, un exemple bidon, vous allez tout au début vous réveiller et il y a une voix qui va vous dire « L'homme se réveille ». Enfin, une petite voix qui explique au fur et à mesure du jeu ce que vous faites. Et c'est intéressant parce qu'il y a un côté narratif qui est assez important, justement, dans l'histoire. Il y a tout un truc qui se place, en plus... c'est du petit graphisme à la Dofus, pour ceux qui ont joué à Dofus, moi pas, mais j'ai pu noter la similitude des graphismes, donc c'est assez intéressant, c'est quel type de jeu d'ailleurs, je saurais pas dire, c'est un RPG? Non, si, c'est oui. plus du hack and slash, on dirait, où il faut buter tous les monstres, balader à droite à gauche, récupérer des armes. Ouais. Un peu d'armes et se balader dans le niveau comme ça. Enfin, quand tu me dis hack and slash, je vois Diablo et je comparerais pas trop ça à Diablo, c'est plus dans le calme, plus dans le mélancolique. Bah, tu butes tout le monde, hein. Tu te balades dans les niveaux et tu tues tout le monde, quoi. Enfin, trop moins jeu où on bute pas tout le monde, quoi, à part Candy Crush. Et encore, tu butes des cerises. Mais voilà, en fait, tout le jeu est surtout soutenu par sa bande-son, il faut le dire. Enfin, pardon, par son OST. Et du coup, c'est super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de jeux, à ma connaissance, à part Minecraft, à part Transport Tycoon. Pardon, fallait que je le place. Mon Dieu. Il n'y a pas énormément de jeux qui sont soutenus vraiment par l'OST. Si, peut-être les Anneaux. Les Anneaux sont très soutenus par l'OST. Mais les SimCity, il y a toujours la bonne musique. Oui, les SimCity. Ah ouais, si, les SimCity. Qui tourne en boucle, d'accord. Ouais, c'est vrai. Ça fonctionne bien. Ouais, c'est vrai que les SimCity sont quand même énormes. Mais du coup, alors comment dire, pourquoi je suis fan de cette zik-là en particulier? Je sais pas, encore une fois, tu sais pas pourquoi une musique te putain, fait quelque chose. Putain, t'es chiant quand même, merde. Ah bah, tu poses des questions sur l'émotionnel, quoi. T'as vraiment choisi le bon gars, quoi, pour répondre à tes questions, quoi. Mec, il contrôle pas ses émotions au quotidien et tu lui poses des questions dessus. Non, mais j'avais aimé l'OST, je l'avais écouté en dehors du jeu, je l'avais écouté en boucle. Et cette chanson en particulier, je l'ai trouvée sur YouTube, faite en live par les deux chanteurs, dont un qui est guitariste, donc le mec joue et chante. Hein. Et la dame chante par-dessus. Et la version live est encore mieux que la version enregistrée, puisque... Parce qu'elle est live. Ouais, c'est ça. T'as le sentiment qui va avec, quoi. Je sais pas, c'est super sympa. Mais du coup, voilà, je sais pas, je suis fan de cette digue pour ça, quoi. Juste parce que tu l'as écouté, t'as écouté la version live? Bah, c'est-à-dire qu'il fallait faire une playlist de 10 titres. Je pouvais pas mettre que du métal, sinon je t'aurais mis que du métal. Mais du coup, je voulais varier un peu. Mais non, mais c'est vrai que ça reste, au niveau du jeu vidéo, ça reste, Zik qui sort du lot quand même. Il y a peu de jeux vidéo qui travaillent autant leurs OST. Tu t'avances un peu vite là quand même. Tu t'avances vraiment très beaucoup trop. Ouais, vite. C'est vrai. Ah oui. Bon, alors, peu de jeux que j'ai joués qui ont travaillé autant leurs OST, merci. Quoi. Voilà, plutôt. Parce que je suis un faible joueur, donc je préfère préciser. Sinon, il va falloir que je t'arrache la colonne vertébrale, ça va être douloureux. Oui, c'est vrai qu'il y a Diablo, il y a tout ça, mais... Bah, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, pose les questions, ce sera plus simple, j'y réponds. Comment t'as connu ce jeu-là? Ah, j'en sais rien. Oh putain, merde. Non, mais je sais que la première fois, j'ai joué sur navigateur, parce que tu pouvais le tester sur navigateur. Ça doit être peut-être sur Steam, je sais pas, j'en sais rien. Je sais que j'ai joué sur... Attends, je vais dire une connerie. Est-ce que j'ai d'abord joué sur mobile ou d'abord sur PC? Non, c'est d'abord sur PC, je crois. J'ai rejoué après sur mobile. Ouais, ça doit être ça. Mais alors, comment je suis tombé dessus? J'en sais rien. Mais sinon, comment ça se fait que dans ta playlist, tu as mis deux titres de jeux vidéo? Bah, comme je t'ai dit, il fallait varier. Après, je t'aurais mis que du métal si j'avais pu, mais... Enfin, quoique non, parce que du Siri Nielsen, je t'aurais mis du F10 Hull peut-être, ou du Agnès Obel, mais... Et puis non, parce que la musique du jeu vidéo fait aussi partie de ma vie, donc... Enfin, partie de ce que j'écoute et ce qui a guidé un petit peu mes journées, donc... il fallait que j'en mette, quoi, c'est obligé. Et puis après, choisir dans de la musique de jeux vidéo, je t'avoue, j'ai hésité avec Anno, parce que Anno 1404, pour moi, c'est l'OST de 1404, elle est quand même terrible, quoi. Il y a une chanson, c'est un petit peu dans l'optique de Siri Nielsen, Avdis Hull, c'est-à-dire qu'il y a une petite voix par-dessus un piano, ça me prend aux tripes, je me sens mou quand j'écoute ça, quoi. Tu vois, il faudrait pas qu'on me stresse trop, quoi. Je vais écouter ça et pas plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment exprimer. Non, mais tu sais, c'est le genre de musique qui te transporte, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais elle te transporte, quoi. C'est... qu'est-ce qu'on aurait... Après, je sais pas, en jeu vidéo, hein. Qu'est-ce que toi, tu mettrais en jeu vidéo, tiens? C'est pas ma playlist. Ah, mais d'accord, mais pourquoi tu mettrais du jeu? Alors, non, mais pourquoi tu mettrais du jeu vidéo dans ce cas-là? Je te retourne la question. Ah non. Pourquoi j'ai absolument voulu qu'on puisse mettre du jeu vidéo dans la playlist? C'est que le jeu vidéo a eu un univers musical absolument énorme. Il y a tellement de thèmes, tellement de trucs partout qui sont repris de partout que on peut pas se contenter de musique, on va dire, normale, classique, de musique... c'est difficile à expliquer, avec des groupes, des gens autour. Bah écoute, moi je vais te dire un truc honnêtement, même si t'avais pas précisé le nom jeu vidéo, OST jeu vidéo dans ta demande, je pense que ça serait quand même précisé. Dedans. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Si tu ne l'avais pas précisé, je pense que autant C418, autant Darren Korb serait dedans. Parce que je considère pas que c'est lié au jeu. Ça reste de la musique, ça reste une œuvre à part entière. Et pour moi, c'est réducteur de l'associer à un jeu vidéo. Parce que pour la plupart des gens, je dis pas des gamers, parce que ceux qui nous écoutent sont sûrement un peu gamers. Mais pour la plupart des gens, les pères de famille, les mères de famille, les madame Michu, les, je sais pas ce que vous voulez, les politiques, les machins, les scientifiques, le jeu vidéo, ça reste du loisir bas de gamme. C'est, oh, on a rien à faire, bah tiens, on va jouer à Pac-Man. Enfin, c'est attention, alerte cliché de nouveau, mais le jeu vidéo, c'est pas une œuvre à part entière. Et pourtant, même si maintenant on veut en faire un art complet, et je suis tellement d'accord, surtout pour, je sais pas, même la musique. Enfin, pourquoi dire c'est de la musique de jeu vidéo? Pourquoi déjà? Et surtout... c'est génial, la question peut être vachement bien formulée, parce que on va te dire. Est-ce que t'as écouté la BO d'Interstellar? Oh ouais, c'est... merde, comment il s'appelle? Je sais pas du tout. Ah zut, Zimmer, voilà, Hans Zimmer, pardon, excuse-moi, j'en ai parlé une demi-heure avant l'enregistrement. Hans Zimmer, voilà, c'est Hans Zimmer, machin. Et là, tu vas dire, alors, t'as écouté l'OST de le FPS, là. Call of Duty, pardon. Ça va me venir. Et puis on va dire, attends, c'est un jeu vidéo, on s'en fout de l'OST. Ah oui, mon gars. Mais un des Call of Duty, ça a été écrit par Hans Zimmer. Alors là, voilà. Là, c'est pas pareil. Ah ouais, non, c'est du jeu vidéo. Non. Tu peux pas dire d'un côté Interstellar, ah oh ouais, c'est Hans Zimmer et Call of Duty. Alors, on s'en fout, c'est du jeu. Non. C'est une œuvre à part entière. Il y a une OST. C'est la même personne qui aura écrit les deux, pourtant un aura plus de qualité que d'autres. Non, je suis désolé, non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Pour moi, on peut pas dire c'est de la musique de jeu vidéo. J'aime pas quand on dit c'est de la musique de jeu vidéo. C'est pour ça que j'aime bien faire découvrir la musique de Transport Tycoon. C'est con, c'est un jeu qui a 20 ans. Non, ta gueule. Non, arrête, tu peux pas dire Transport ça. Tycoon. Mais tu peux pas tu dire peux pas ça dire parce ça que... aux gens. Quand t'écoutes la musique de Transport Tycoon, t'écoutes pas de la musique de jeu vidéo, t'écoutes des petites musiques de jazz mignonnettes, quoi. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, cette musique-là n'a vraiment de sens que si tu as joué au jeu. Mais c'est un peu le problème d'une musique de jeu vidéo ou d'une musique de film. Non, c'est qu'elles accompagnent un film. Elles n'ont pas vraiment de valeur en elles-mêmes. Elles ont de valeur parce que tu l'as aimé quand tu l'as écouté. Bah oui, parce que tu l'as vu dans un film ou dans un jeu vidéo, dans un média. En elle-même, oui, est-ce qu'elle aura la même force et la même valeur? Ah bah peut-être sur un média, sur un... Ouais, ah non, c'est pas con ce que tu dis. Tu vois le problème? C'est pas con ce que tu dis, oui, parce qu'elle est attachée à un produit que tu vas consommer. Alors que tu l'aurais peut-être pas consommé cette musique s'il n'y avait pas ce produit associé. Parce qu'elle va t'emmener aussi dans un univers qui est lié à ce produit, alors qu'une musique, on va dire, normale, entre guillemets, je sais pas, metal rock, avec des concerts, des gens, tout ça... entre guillemets, se suffit à elle-même. Eh non, c'est vrai, parce que du coup, C418 Sweden, cette musique m'aurait peut-être pas fait autant d'effet s'il n'y avait pas l'univers si de Minecraft avec. Si tu l'as pas pendant 450 heures, t'en auras peut-être rien à foutre. Tu l'auras entendu dans un ouais, ascenseur. Non, parce que je l'ai aimé direct, mais je veux dire, sans l'univers Minecraft, peut-être qu'elle m'aurait pas plu. Autant peut-être que Setting Sail m'aurait peut-être pas plu s'il n'y avait pas le jeu autour. On saura jamais. Oui, c'est vrai. C'est Godsmack, putain la honte. Mais non, parce qu'en fait, je suis très fan des deux aux OST, et en fait, celle de 1404, je l'écoute au moins une fois par mois, obligé, et il n'y en a qu'une seule de 2070 que j'écoute, et je te copiais le lien vers le titre. Voilà. Alors, elle s'appelle Godsmack English Vocals. Et c'est génial, parce que quand j'écoutais cette musique, là, je viens de l'envoyer, cette musique, la première fois, je me suis dit, putain, la chanteuse, elle chante pas tout à fait bien, elle est un peu flottante dans les notes, c'est désolant pour une OST. Et puis cette zik m'a quand même pris au trip parce que justement cette petite voix un peu... tu vois, qui chante pas tout à fait bien, ça m'a fait penser un petit peu à la maman qui va chanter une comptine à son enfant pour qu'il dorme. Tu sais, qui va se donner le mal qu'elle peut sans savoir chanter, et je te chante une petite chanson. Peut-être qu'inconsciemment ça m'a rappelé ma mère qui me chantait des comptines quand j'étais gamin, tu vois, pour dormir. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est quand tu cherches cette chanteuse, tu vois qu'elle est présente dans l'album de 2070, et qu'elle chante du lyrique parfaitement bien, parfaitement propre, parfaitement juste, avec une précision de malade, et qui en fait, donc du coup quand tu sais ce qu'elle fait, tu te dis pour chanter faux, elle a dû se forcer. Elle a dû se forcer, ça a été un travail de composition de chanter faux. Et là tu te dis, waouh, il y a quelque chose derrière, il y a... Tu vois, elle a dû mettre de soi un truc énorme pour chanter faux, pour chanter un peu flottant, pour chanter calme, pour... Alors qu'elle fait du lyrique propre, nickel, tu vois, c'est... Elle est fascinante, cette musique. J'ai hésité à la mettre à la place de Darren Korb, mais... Je me suis remis le thème de Anno 2070, c'est terrible, quand même. Oui, le thème, il est juste au piano, il est aussi monstrueux, ouais. Bon, juste pour expliquer, 2070, un jeu de, on va dire, un jeu que j'aime bien, c'est le genre de jeu de logistique. Il faut que... C'est un jeu de gestion, pour être jeu de gestion et de logistique. C'est un truc, il faut aimer les graphiques Excel, mais c'est un peu déviant comme préférence. Des graphiques Excel, t'as dit ? Excel. Il faut aimer savoir qu'il faut produire tant de choses pour avoir telle chose oui, ensuite, d'accord. Et puis oui, pouvoir oui, développer oui. Une colonie et gérer des flux de... Non, pas je veux dire des flux migratoires, mais des transports de marchandises, etc. C'est des jeux très très très longs. Si t'as pas une musique justement qui s'adapte à cet étirement du temps, à cette chose très agréable, ça devient tout de suite pénible. Et Anno 2070, et même tous les Anno en général, et même SimCity ont cette capacité à avoir une belle musique de fond, tu t'en lasses pas, mais tu arrives à jouer dessus. Et ça, c'est très fort. En général, c'est des OST qui font 3 heures, 4 heures même. Hein. C'est pas de la petite OST que t'as fini en 40 minutes, quoi. Ouais, mais c'est un peu l'OST de la violence et de la longueur. C'est peut-être pas le genre de choses qu'il faut écouter, par exemple, en roulant en voiture. Ah, ça, non, peut-être, ouais. Peut-être pas en voiture. Mais par contre, moi, j'écoute beaucoup de musique au boulot, et ça passe super bien en boulot, quoi. Bon, alors, je vous conseillerais pas non plus d'écouter du Prodigy en voiture. C'est plutôt une mauvaise idée. Alors que je te le recommanderais même pas non plus au boulot, du Prodigy, donc... On va revenir vite fait sur les musiques du jeu vidéo et après on va passer au dernier titre. Mais il y a des choses qu'il faut éviter en conduisant. J'ai remarqué que les bandes originales de jeux de course, c'était une très mauvaise idée. C'est très drôle, c'est une très mauvaise idée. Laisse-moi deviner, il y a une attirance particulière avec ton accélérateur et le sol là. Et bizarrement, le pied commence à appuyer sur l'accélérateur. Hein. Et non, le pied devient le marteau de Thor. Hein. C'est horrible, hein, c'est bizarre. Bon, bref. C'est fait pour. N'écoutez pas la musique de jeux vidéo, ça vous rend complètement fou. Et je pense que là, vous avez un exemple. Et on va terminer par le dixième titre. Le fétiche, on retourne au grand classique que tu nous as présenté dès le départ, American Head Charge. Oui, c'est avec ça. To Be Me. C'est bien de commencer avec et de finir avec. C'était prévu. On va dire ça. Ça reste pas gentil. C'est un peu toi, cette musique. C'est ça. Tu as l'air gentil d'un côté, mais tu vas finir en... C'est exact, mais c'est... Tu verras, je te l'expliquerai dans 2 secondes. C'est exactement moi, ça. C'est terrible. Tu vas sembler monter en puissance le matin qui arrive. Tiens, salut, Kenton, comment ça va? Oups, je t'ai piqué ton café. C'est un peu ça. C'est un peu plus tard. Je t'ai pris ton agrafeuse, excuse-moi, mais ça va, sinon je peux te prendre ton scotch. Mais t'as agrafé la gueule. Maintenant. Alors, si tout va bien, vous êtes en train de taper du pied, vous avez la tête qui bouge. Oh putain, t'es sûr en train de faire ça? C'est peut-être un peu ça le métal, c'est un peu plus viscéral. Je me suis demandé s'il n'y avait pas oublié la webcam là. Attention, là il est pas content le monsieur. Voilà, il est pas content. Alors pourquoi To Be Me? Pourquoi celle-là? Ah, il est pas content. Je vais t'expliquer pourquoi il est pas content. Parce qu'en fait, bon, du coup, les paroles, elles reflètent un peu ma vie perso. Au début, je me suis dit, tiens, je vais pas en parler, ça reflète trop ma vie et tout. En fait, je me suis dit, mais non, il y a un moment de chaque personne où ils auraient pu se retrouver là-dedans. Ils auraient pu se retrouver dans ces paroles. Alors, parce qu'en fait, ça raconte... Un moment, tu avais les cheveux longs, non, les cheveux jamais. Sales, et tu tournes la tête. Non, pas du tout. Ah, dommage. Non, non. Justement, c'est ça qui est drôle dans ses paroles, ça raconte l'histoire d'un homme qui fait un peu le bilan sur lui-même, chacun fait ça un jour ou l'autre, certains plus tard que d'autres. Et justement, il voudrait faire comprendre aux autres ce que c'est d'être lui. Hein, to be me, d'accord. Il dit, have you any idea what it's like to be me? Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est d'être moi? Et il exprime sa solitude, sa vie vide, sa vie sans valeur, et surtout le fait qu'il est devenu... Malgré tout ça, ce qu'il pensait devenir, même si ce n'est pas du tout ce dont il avait rêvé. Il traduit le fait qu'il savait qu'il allait avoir cette vie de merde, cette vie sans intérêt, qu'il avait essayé de lutter pour ne pas vivre ça, mais que la fatalité a fait son travail. Et justement, cette phrase que je vous ai citée avant, elle veut tout dire. Parce que traduit, elle donne, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble d'être moi ? Et cette chanson-là, elle m'a suivi pendant longtemps, parce que toute une période, j'ai passé à me demander, mais putain, mais est-ce que... Arrêtez de me faire chier avec vos remarques. Arrêtez de me faire chier à me dire ce que je dois faire de ma vie. Est-ce que seulement vous avez une idée de ce que c'est d'être moi? Et j'aurais voulu qu'ils comprennent cette musique, qu'ils la bouffent en plein dans leurs dents, qu'ils en perdent les dents tellement ils la bouffent fort, tu vois. Et voilà, je sais pas, c'est pour ça que je l'aime. Et puis même après, musicalement, elle est juste magnifique, elle est plein d'émotions. Bon, faut être un petit peu fan de métal pour sentir de l'émotion là-dedans, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette musique. Il faut passer outre, entre guillemets, le bruit pour pouvoir le comprendre. Ah, mais là, tu peux plus dire qu'il y a du bruit, quoi. C'est pas parce qu'une guitare, elle est saturée qu'on dit qu'il y a du bruit, quoi. C'est, autant que tu me dises, à la limite, Lamb of God, ça peut être du bruit. Mais American and Charge, il y a quand même beaucoup de choses. Écoute, là, il gueule pas. Ah, merde, j'ai Il gueule pas. Ouais, c'est ça, justement, je dis ça, il gueule. Mais en fait, là, ça rentre dans l'émotion. Il dit justement, est-ce que t'as l'idée de ce que c'est d'être moi? Tu vois, il essaie de faire exprimer le truc. C'est là, le mec, il gueule, ça sert à l'émotion du truc. C'est. Écoute, ce passage tout calme, tout mélancolique. Bon, là, c'est la fin de la musique, mais je veux dire, il y a. Dans cette musique, je pense qu'il y a tout. À un moment, il m'est arrivé quelque chose, je fais. Pas rentrer dans les détails, une madame m'a brisé le cœur, et ceux qui étaient autour de moi comprenaient pas ce qui se passait, ils me voyaient juste attendre que les choses aillent mieux, attendre que les choses changent, attendre machin, et ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fais, allez, bouge-toi, machin, et j'aurais bien voulu pouvoir leur dire exactement ce qu'il y avait dans ces paroles. Je savais que ça allait arriver, j'ai tout fait pour que ça arrive pas, mais putain, il y avait cette fatalité qui a fait que ça arrivait. Est-ce que t'as une idée de ce que c'est d'être moi? Alors arrête de me faire chier. Arrête, laisse-moi faire mon deuil, laisse-moi tirer un trait dessus. Tu vois? Et j'aurais bien voulu... mais bon, après tu leur dis aux gens, écoute les paroles, ils vont la péter, les gens ils sont en dehors de ça, ils vivent pas tes problèmes, et c'est normal. Quelqu'un te dirait ça, tu ne vivrais pas ces problèmes, tu pourrais pas comprendre, c'est tout à fait normal. En gros, c'est le type qui te fait dire que voilà, regarde ce qui se passe quand tu mets mes chaussures. Ouais, c'est ça. Mais quand mes chaussures sont trop petites et que tu hurles quand tu marches. Voilà, c'est ça. Je pense que au niveau... Même sans comprendre les paroles, dites-vous que des fois dans la vie, vous avez envie de vivre ce qui se passe dans cette chanson. Traduisez les paroles si vous en avez envie, mais... cette chanson, elle commence calme. D'un coup, il hurle parce qu'il y en a marre. D'un coup, il est nouveau calme parce qu'il arrive à comprendre les choses. Après, il est nouveau en train d'hurler. C'est... du coup, ça se tient avec les paroles. Hein. Il y a tout un sens, il y a... Enfin voilà, ça reflète ce que beaucoup de gens ont traversé, et je pense que chaque personne pourra dire oui, alors ah, tiens, à ce moment-là de ma vie, bah effectivement, c'était ça. J'aurais bien voulu dire aux autres, arrête de me faire chier, est-ce que t'as seulement l'idée de ce que c'est d'être moi, avant de me parler, de me dire ce que je dois faire, de m'apprendre la vie. Tais-toi, imagine-toi juste ce que c'est d'être moi. Je pense que chaque personne qui écoutera ce podcast se reconnaîtra là-dedans et dira... Oui, à un moment de ma vie, j'ai envie de dire ça à quelqu'un d'autre, quoi. À ce moment-là, il te dira merci, Kenton. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas, mais. Bah, je sais pas s'ils vont te dire merci, parce que maintenant, on va attaquer le moment difficile. On va attaquer. Et c'est même toi qui vas l'annoncer, ce truc-là, parce qu'on va parler du titre de la honte. Oui, et je vais pas l'annoncer moi-même, parce que c'est pas moi qui assume. Non, moi, j'assume. J'ai hésité entre deux titres. Bon, je parlerai pas de l'autre, du coup, mais. Mais est-ce que tu connais Ultra Vomit? Déjà le nom, alors, tu vois. Deux noms, déjà, ça commence bien. Ouais, c'est... Ultra Vomit, ça veut tout dire. Le nom de l'album est génial, c'est Objectif Thune. Oui. Ça veut tout dire aussi. Hein. Est-ce que ça te dit quelque chose? Deux noms seulement. C'est un groupe français, ils sont deux. Attends, je dis peut-être une grande, ils sont peut-être un peu plus que deux. Et ils collectionnent des canards, ça c'est géant ça. C'est un peu le genre de groupe parodique, rock, un peu à l'explosion de caca. De l'ex quoi? Un peu comme Explosion de caca. Un autre groupe bien, je t'expliquerai. Coin, coin. Ah, vivant quand même. Oui, vivant, vivant. Alors pourquoi celui-là? Pourquoi tu l'aimes bien celui-là? Bah, en fait, il y a deux chansons de ce groupe qu'on chante à tue-tête avec certains membres de Gamecraft. C'est Boulangerie Pâtisserie et Je collectionne des canards. Et je pense que Je collectionne des canards, c'est celle que tu peux chanter bien plus longtemps parce qu'elle est plus longue. Juste non, pour c'est ça. C'est... Boulangerie Pâtisserie, elle est très courte. Elle fait quoi? Une quarantaine de secondes à tout casser. C'est presque un jingle de radio et ça s'arrête là, quoi. Mais Je collectionne des canards, je sais pas comment. Alors. Comment je l'ai découvert, ça je peux te le dire. J'écoutais une émission... Merde, le nom de l'émission. C'était sur Le Move. C'était fait par les deux là qui sont sur Golden Moustache maintenant. C'était Carlito et... Oh la vache, ils vont m'en vouloir. Enfin, ils s'en foutent, ils écouteront pas d'ailleurs, mais... Carlito et... Je sais plus, bref. Ils faisaient une émission sur le métal, 2 heures chaque semaine, que j'écoutais en rediffusion. Et d'ailleurs, c'est très drôle puisque le jour où j'ai commencé à écouter cette émission, elle s'est arrêtée 2 semaines après. Donc, du coup, j'ai chopé toutes les archives que je pouvais et je les ai écoutées. Je les ai encore. D'ailleurs, leur gimmick était assez spécial. C'était McFly, merci. Merci, mon cher ami. Tu me l'as mis en discretos, mais effectivement, McFly et Carlito. Et leur gimmick, c'était nous sommes 20h et il est dimanche. Et la Metalac. Voilà, la Metal Academy. C'était une émission qui était plutôt exceptionnelle parce qu'ils faisaient les tarés, les mecs. Ils faisaient complètement les tarés. C'était en dehors de tout ce que vous pouvez entendre à la radio. Je sais même pas comment ça a pu passer à la radio tellement c'était taré, complètement taré. Les mecs, ils rotaient. Bon, ça à la limite, c'était pas terrible, mais ils faisaient les malades mentaux et c'était juste un plaisir. Et ils présentaient des groupes parfois locaux. C'est là que j'ai découvert énormément de groupes français que j'écoute encore maintenant, dont Ultra Vomit. Ils ont passé Boulangerie Pâtisserie et j'ai écouté après l'album en question. Et celle-là, c'est Je collectionne des canards vivants. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre dessus, mais c'est. On va peut-être s'arrêter là-dessus en fait. Faut pas trop en rajouter. C'est comme Maxwell, le café, tout ça. Ce truc que je peux te dire encore là-dessus, si tu veux, c'est que deux membres de groupe ont formé un autre groupe pour qui fait un truc pour enfants. C'est ça le pire, quoi. C'est que c'est pas Henri Dess. Non, je suis en train de chercher en même temps, mais parce que ce qui est terrible avec Ultra Vomit, et ceux qui me connaissent vont comprendre, c'est ils sont originaires de Nantes. C'est des putains de Bretons. Ah ouais. J'aime mais pas alors, les Bretons. C'est quoi? Ça fait rien. C'est des Bretons. Des gens comme les autres. Hein. Non, c'est des Bretons. Nicolas et je sais plus qui. Voilà. Attends, ils font des trucs pour enfants, je crois. C'est très drôle quand t'entends ce qu'ils font juste là-dessus. Ouais, une souris verte. Ouais, ils ont fait. Enfin bref, voilà. T'as compris quoi. Donc tu l'assumes complètement. Ça fait partie de ta playlist maintenant. Le titre de la honte, c'est bon, tu l'assumes. Bah oui, c'était ça ou une autre. Donc fallait bien choisir entre les deux. Et t'avais pire, je suppose. Pire, je sais pas. Après, tu peux toujours citer Didier Super. Tu trouveras. Pas pire que ça, mais... Ou tu trouveras pas plus excellent que ça. Ça dépend du niveau d'intelligence que tu as. Moi, j'estime ça comme de l'excellent, mais... Après, il n'y a pas le nombre de neurones qu'il faut pour tout comprendre, mais... Bah, en tout cas, je vais te remercier pour cette playlist. Mais c'est moi qui te remercie pour c'était avoir... C'était vraiment très sympathique de t'avoir, même les petits couacs techniques qu'on a eu, les petites choses un peu étranges. C'est pas grave, parce qu'il paraît que tu montes tes podcasts, toi. Oui, moi, je passe du temps pour les monter. Oh, le pauvre. Le drone est monté, je t'apprendrai un jour. Non, mais là, c'est impossible. J'ai essayé, je peux pas, c'est maladif. Bref, On te retrouve où sur Internet? Ça dépend, tu diffuses ça quand? De le mois prochain. Le mois prochain, t'as pas l'intention de participer à un concours là, prochainement? Non. D'accord, on me retrouve dans un podcast qui s'appelle TechCraft et qui parle de... Voilà, qui parle de la tech. L'enfoiré. Il rigole. Alors, j'explique pourquoi il rigole. Parce qu'en fait, ça sera annoncé que dans quelques jours. Donc, du coup, ça l'invalide pour un concours. Et voilà. Bien sûr, tu ne diras rien sinon je te retrouve et promis. Je te saigne. Vous êtes fait chier, chercher un nom super compliqué. TechCraft. Ah non, justement pas. Non, on s'est pas fait chier. Justement. C'est ça qui me fait rire, hein, mais c'est pas méchant, vous inquiétez pas. Non, justement, on se retrouve dans TechCraft, ça s'appelait GameCraft avant, et comme on parle de tech, on s'est dit que, tiens, faudrait peut-être qu'on parle, qu'on change le nom, parce que tout le monde nous dit, mais vous parlez pas de jeu, tiens, on savait pas, maintenant, voilà. Maintenant, vous savez, TechCraft, ça parle de tech, comme ça, vous êtes contents. Et voilà, TechCraft tous les jeudis soirs, dès 21h, en live sur YouTube, et sinon, en podcast sur podcloud.fr. Et puis sinon, tu me trouves sur Twitter, @skenton, tout simplement, où je raconte des conneries toute la journée, et je critique le monde parce que je suis un aigri de la vie. Comme toi, apparemment. Oui, je pense que nous, vous allons créer ensemble l'association des misanthropes des unis, ça pourrait être formidable. C'est ça, et des gens qui n'aiment pas les autres, aussi. Voilà. Des gens qui n'aiment pas les gens. Voilà, exactement. C'est un peu l'anti-manpower, quoi. Manpower, c'était les hommes qui aidaient les hommes, et nous, on est des gens qui n'aiment pas les gens. Les aider à les détruire, apparemment, mais c'est pas grave. Non, ça peut le faire, ouais. Si on pouvait les détruire pour la musique, ce serait bien aussi. Ouais. Bon, on va finir avec un petit titre libre de droit. C'est lequel, d'ailleurs? On va parler de Madame Olga. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est un jour, sur le net, un nouveau site qui sort. C'était genre il y a 15 ans. Jamendo. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, de la musique libre de droit? On ne connaissait pas ce que c'était. Nous, on était encore sur Kazaa, pour ceux qui... Les vrais savent, Kazaa, c'était avant Emule encore. Ils ont téléchargé de la musique illégale et tout, et puis un jour t'as un site qui dit « Ouais, les gars, venez, nous, on fait télécharger de la zik légalement, vous avez le droit de la copier, de la partager. » Quoi ? Quoi ? On va aller voir le catalogue du coup. Et dans le lot, il y a à peu près 5-6 groupes, ou peut-être même 7, que j'écoute encore maintenant. Dont Madame Olga, qui a posé son album entier là-dessus, qui en fait plein de zik hyper sympa, dont ce titre qui s'appelle Madame Olga, bizarrement, comme le nom du groupe, c'est un titre éponyme. Alors attention, la version que vous allez écouter, c'est la version libre de droit. Entre-temps, ils ont refait une version qui n'est pas libre de droit, qui est disponible sur Spotify, qui a été réenregistrée et qui n'est pas libre de droit. Mais celle que vous allez écouter, elle est libre de droit. Donc vous pouvez aller, je sais pas s'il y a encore sur Jamendo, moi je l'ai au cas où, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Je mettrai le lien, allez sur auboutdufil.com, donc je vous mettrai le lien. Allez sur auboutdufil, parfait. Du coup, ça veut dire qu'elle est toujours disponible, donc elle est toujours libre de droit, quoi. Ouais. Et voilà. Et comment ça parle d'une jeune fille russe qui par son papa se fait vendre à des messieurs qui, à mon avis, vont faire d'elle serpillère à sperme. Il faut le dire comme c'est. Hein, oh, la désolé. Classe. Bah, il faut le dire comme c'est. Je suis désolé. En plus, une petite fille, quoi. Et son père dit bien que c'est de l'argent, en fait, sa fille, que ce n'est qu'une valeur marchande. Et on entend son discours à travers cette musique. Et c'est plutôt poignant dans une musique qui est très profonde, je trouve. Et voilà. Écoutez bien les paroles et petit message à tous ces petits jeunes qui se plaignent de la dure vie de notre belle France. Écoutez ces paroles et dites-vous qu'en Russie, ça existe encore, ce type de choses. Voilà. Et puis, vous n'avez pas eu d'iPhone 6 cette fois-ci, c'est bien dommage. Ouais. Mais au moins, vous n'êtes pas violé. Bon, on va se quitter sur cette bonne ambiance et là-dessus. Je te remercie, c'est ça. Kenton. Je t'en prie, je vais chercher mon cutter, allez, ma corde. D'accord, j'arrive tout de suite après. Donc, on se retrouve à la fin. On se retrouve pas à la fin, après Madame Olga. Et vous pourrez toujours nous retrouver sur Internet, sur Twitter, @la_playlist, sur PodCloud, je crois, la playlist. Si vous voulez participer à la playlist, vous envoyez un mail à barberousse@gmail.com. Et puis sinon, vous écoutez tout ça, puis vous me dites ce que vous en pensez. Longue vie à la playlist! Allez, salut! de bien extraordinaire. Partout la même misère, du pain noir en guise de pain quotidien. Minsk, 15 ans, une jeunette dans la cour des grands. Les filles brillent, poules aux œufs d'or de pacotille. L'avenir n'est plus celui des rêves d'enfants. Voyager, partir, porté par le vent, et tout s'accélère. Mon père, l'homme de ma vie, s'entendre dur que tout a un prix. Moi, y compris, pas assez vite compris. À la gloire de mon père, à la future je ne saurai jamais. Le sexe en effet, mes affaires, je suis Madame Volta désormais. Minsk, 16 ans, subvenir aux besoins, passer de main en main, vendu pour 3 fois rien, pour 3 fois rien faire le tapin. On ne réussit pas parce qu'on est belle, tout juste bonne à être bonne, traitée comme des connes et vendue au kilo. Souvenir des coups qui résonnent. Brûlure de l'égo, mauvaise chair, mauvais alcool, tel est notre lot. Souvenir des coups qui résonnent, et brûlure de l'égo, mauvaise chair, mauvais alcool. À la gloire de mon père, à la fête, je ne saurai jamais. Le sexe en effet, mes affaires, je suis Madame Gale. Mais rouge.